Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Requis. David Ferron sera notre doigt mouillé pour parcourir le plus récent numéro du journal Soul Campus. Et Tania nous résumera les nouvelles sportives locales depuis la semaine dernière dans Sport et Filoché. Assemblage Requis commence tout de suite. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage Requis ce mardi 11 octobre 2016, 198 jours de la fin de l'année scolaire 2016-2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Autant dire les studios de ces fois à Trois-Rivières. Ça va, Tania? Ça va bien, ça va très bien. Longue fin de semaine, tu t'en as profité un peu? Oui, beaucoup de choses à faire, par exemple. Hein? Ouais, ça, ça se fut une fin de semaine assez remplie. Tout à fait. C'est toujours comme ça, n'est-ce pas? Moi, j'ai été ici hier quand même pour finir oui, le Zone Campus. Oui. On va parler avec David Ferron tout à l'heure à 8h30, la chronique du journal Zone Campus, numéro 2 de la saison universitaire, session. Sinon, toi, tu vas être là pour deux chroniques aujourd'hui. Oui. Étant donné qu'hier, on n'était pas là et qu'on n'a pas de chroniqueur de plus aujourd'hui, malgré tout, tu as le temps de faire tes deux chroniques. Donc, Sport et Filoché s'en vient. Oui, et toi, tu vas nous parler. Mais bien évidemment, je vais faire le tour de ce qui s'est passé du côté des Patriotes de l'UQTR dans différents sports. Donc, on a des sports qui n'étaient pas nécessairement en action cette fin de semaine ou la semaine dernière. On va parler peut-être de nouveaux aussi qu'on n'a pas parlé durant les dernières semaines. Et bien évidemment, on va parler aussi de sport local. Est-ce que tu as de la misère avec ta voix un peu? Non, on dirait que je mue, Mathieu. OK. Tout ça découle de la soirée de jeudi. Jeudi, c'était pas le soccer à ce moment-là, non? Non, c'était le premier rendez-vous des microbrasseries. On a bu beaucoup, hein? On va en rediscuter tantôt. D'accord. Toi aussi, ta chronique à toi, Thaïs Gunner Entertainer. Oui, exactement. Ben, je vais faire un retour sur le premier rendez-vous des microbrasseries parce qu'on a quand même fait une petite cote, disons ça comme ça, en soirée dans une émission qui n'est pas totalement la nôtre ou qui est arrivée quand même quelques péripéties assez cocasses. J'aurais dû garder l'extrait, oui. Moi, je me suis entendue en rediffusion. Ah, super. Puis, j'ai aussi vous parlé d'un congrès qui en était à sa première venue à Trois-Rivières. En temps habituel, c'est à Shawinigan que ça se passe. Mais il y a eu un congrès des tatoueurs de Shawinigan Trois-Rivières. C'est l'association qui s'est associée cette année. Puis, ça se déroulait du côté du Delta. Donc, je vais vous parler de ça aussi. Dans Tania is gonna entertain plus tard dans l'émission. Là aussi, le vrai le faux en fin d'émission. Et c'est le fait dans quelques instants. Mais avant ça, une pièce de Le Couleur. Oui, on parle de l'amour le jour. Oui, à Assemblage Requis jusqu'à 9h30. quoi tu cours? L'amour, love, l'amour de faire la cour. Dans une boîte carrée, je t'ai trouvé. L'amour, le jour, le couleur. Ouh. À chaque fois, j'arrive pour dire la couleur. Ben oui, mais là. Hein. De façon logique, là. Et quand que t'es conservatrice, ça n'a pas de sens. Maintenant, c'est le moment d'apprendre des choses. Même si on a manqué l'émission de lundi, on est rendu mardi, mais même si le temps file, les connaissances, elles, continuent d'exister. Donc voici, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Les choses que tu sais pas, les choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, la collecte des choses véritables et vérifiables selon Internet. Évidemment, les sources sont sur assemblagerequis.com, parce que je ne cacherai rien à nos chers auditeurs. Commençons par une bibliothèque à Dublin. Dublin, en Irlande. Oui. Qui met ses lecteurs dans des cages pour les empêcher de partir avec des livres rares. What? Hey, ils faisaient ça dans Harry Potter, hein? As-tu vu? Non, je me rappelle pas d'avoir vu ça. Je les ai vus, mais je me rappelle pas. Il me semble que oui. Donc, c'est la Marsh's Library à Dublin. C'est juste des petits grillages dans chaque rangée avec un petit bureau, des décorations pour pouvoir lire en paix. En fait, ça ressemble vraiment à la bibliothèque d'Harry Potter. Ouais, c'est comme une cellule de prison. Ouais, un peu. Ensuite, Arctos. Est-ce que tu connais le mot Arctos? Non. C'est le mot grec pour ours, voulant dire que le nom scientifique du grizzly, Ursus Arctos, veut littéralement dire un ours-ours. Eh hey boy! L'océan Arctique est l'océan des ours, ou de l'ours, et l'Antarctique est la terre sans ours. Ah, oh, ouais? Ouais. Ah, je savais pas. Le tremblement de terre le plus mortel de l'histoire qui a été enregistré était dans la province de Shanxi en Chine en 1556. Ça a tué environ 830 000 personnes. Un seul tremblement de terre. La flamme éternelle de Bullhead City en Arizona a seulement duré jusqu'à ce que les officiers de la ville reçoivent une facture de gaz de 961 $ américains. C'était donc une flamme éternelle qui avait été créée pour par l'homme, dans le fond. C'était pas éternel comme naturellement. Elle a été rallumée depuis parce que des groupes de vétérans se sont plaints. Ah, pas vrai? Que la flamme éternelle était maintenant éteinte. Ah, c'est triste. Et là, ça coûte à la ville de l'argent. Ah, ben ça doit. Pour faire aller cette flamme éternelle. Maintenant, il y a une image. Vous pouvez aller voir sur assemblagerequis.com. C'est une image dans le sable. Ça a créé une fleur. Le design d'une fleur. Ça a été créé par une pendule pendant le tremblement de terre de 2001 à Seattle. Les chercheurs croient que la rose a été créée par le tremblement d'une magnitude de 6,8 et les lignes extérieures ont été gravées après, pendant les après-chocs. Donc, on allait faire un moule de ce pattern-là, de cette fleur-là dans le sable, mais un enfant de 3 ans a accidentellement botté le moule ou le design dans le sable. Oups. Et on n'a pas pu le faire. Le design dans le sable. C'est quand même triste comme accident. C'est triste, ouais. Ensuite, allez voir la photo sur assemblagerequis.com, bien sûr. Billy Milligan. Ou Billigan, comment on l'appelle? Billy Milligan. Un criminel qui avait une vie tellement dérangée que son cerveau, son esprit s'est fracturé en moins 24 personnalités. Quoi? Pour chacune de ces personnalités-là, il avait une façon de parler différente. Son accent était différent. Il s'assoyait de différentes façons dans sa chaise. Tu veux? Billy Milligan, oui. C'est bizarre, ça. C'est je savais même pas ça se pouvait. Ouais. Ensuite, possiblement le plus vieux texte qui a survécu, le plus vieux texte jamais écrit, qui a environ 4500 ans. On l'appelle Instructions of Shurupak, les instructions de Shurupak, qui donne le conseil suivant, et je cite, « Ne jugez pas les autres quand vous avez bu de la bière. » Oh! « Do not pass judgment when you drink beer. » Ça dit pas en fait de ne pas juger les gens, de ne pas juger en général, mais je pense que ça veut surtout parler des gens. Probablement. Ensuite, les chevaux peuvent être entraînés pour utiliser des symboles pour communiquer avec les humains. Après seulement quelques semaines d'entraînement, les chevaux pouvaient dire à leur propriétaire s'ils voulaient une couverture. OK. Pour mettre la couverture sur leur dos. Qu'on enlève la couverture, rester avec sa couverture qu'il a déjà, ou des trucs comme ça. Donc, c'était des trucs de couverture. La mettre, l'enlever, la laisser, selon une étude. Ah. Les chevaux. Pardon. Ah ben, c'est mardi matin pour tout le monde, hein? Eh oui! L'auteur de Goosebumps, Charles de Poule, R.L. Stein, n'a jamais parlé... Ah, Goosebumps! Oui, c'est ça. La série télé surtout, mais les livres aussi. C'est tellement fun. Donc, il ne parlait jamais de divorce, d'utilisation de drogue ou d'abus dans ses livres parce qu'il ne voulait pas terrifier les enfants. Il voulait que les enfants soient sûrs que les histoires étaient fantastiques et qu'elles ne pouvaient jamais vraiment arriver dans la vraie vie. Non, c'est faux. Moi, je me rappelle d'un Fais-moi peur où tu laisses, c'est un des spéciales Halloween. Hein? Le gars se met un masque et il devient le masque. Comme le masque, il ne peut pas l'enlever. Tu l'as dit, j'ai vu celle-là? Non. Puis lui, là, il finissait tout le temps les émissions en disant mais rappelez-vous, genre, ces histoires peuvent très bien vous arriver. Ouais, mais oui, oui, tout à fait. Mais les enfants avaient quand même le jugement pour savoir que c'est des choses qui peuvent pas vraiment vous arriver. Non, même s'ils le disent. Non, non, non, non. Si t'écoutes ça à 8 ans, tu peux pas savoir, là. Et tu parles de divorce? Non, mais il parlait d'affaires qui pouvaient te coller à la peau ou des affaires qui faisaient vraiment peur. Ouais, ça reste faux. Ben, tu sais pas quand t'as 8 ans. Ouais, peut-être. T'as raison. Tu sais, il y a une mélodie, une route... Une route qui fait de la mélodie, qui joue de la musique quand tu conduis dessus. C'est un ingénieur japonais du nom de Shizuo Shinoda qui a accidentellement fait des marques dans une route, dans une rue avec un bulldozer et est passé dessus en voiture ou en camion. Et il a réalisé que c'était possible de créer des chansons dépendant de la profondeur et de l'espace entre les creux. Donc en 2007, le Hokkaido National Industrial Research Institute a raffiné le design de Shinoda pour créer Melody Road. Ils ont utilisé le même concept de faire des trous dans le ciment à des intervalles spécifiques. Ils ont découvert que plus les creux sont proches, plus le pitch du son va être élevé. Ouais. Et celles qui sont les trous qui sont espacés plus que ça créent des pitchs plus bas. Donc aujourd'hui, les routes musicales existent dans 6 pays au moins. Donc on parle du Danemark, du Japon, Corée du Sud, les États-Unis, le Mexique et San Marino. On va écouter l'extrait, pourquoi pas. Il aurait dû faire ça avec une auto électrique. Ouais. On n'aurait pas entendu le moteur. J'avoue que ça garde réveillé. C'est le fun. Ouais, c'est le fun. Mais on s'entend qu'il n'y avait rien à faire. Vraiment, absolument rien. Mais c'est arrivé par hasard. Quand même. Ouais, j'espère. J'aurais apprécié qu'on entende un petit peu plus la musique, mais bon, allez voir le lien dans la vidéo, peut-être avec des écouteurs, vous allez mieux l'entendre. Allons dans les années 1800, il y avait une famille de tueurs en série nommée les Bloody Benders. Mm-hmm. Qui était propriétaire d'une auberge, d'un magasin, d'une petite boutique dans le Kansas. Ils tuaient et volaient les voyageurs qui passaient par leur magasin-boutique. Éventuellement, les gens étaient trouvaient ça suspect, donc ils ont quitté la place. Et ils ont quitté la place, eux, la famille Bloody Benders. Okay. On les a pas retrouvés, on ne sait pas ce qui leur est arrivé. Ah! Les Bloody Benders. Mon Dieu. Guantanamo Bay a quelques restaurants de fast-food sur sa base et les prisonniers qui coopèrent dans des interrogations reçoivent un joyeux festin McDonald's comme récompense, parfois. Tu parles d'une récompense. À Guantanamo Bay. Rien de moins. Rien de moins. Joseph Weizenbaum, un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle, plus tard est devenu un de ses plus grands critiques quand il a découvert que sa secrétaire commençait à être un petit peu trop proche émotionnellement de Eliza, un chatbot qu'il avait lui-même programmé. Un chatbot étant un robot qui discute avec vous là, okay. Par texte. Donc, c'est un script nommé Doctor Et Eliza était capable de parler aux humains et faire une conversation qui ressemblait incroyablement avec un psychologue qui avait de l'empathie pour toi. Oh mon Dieu. Donc c'est pour ça qu'Eliza est devenue très très proche de la secrétaire, ou la secrétaire est devenue très très proche parce qu'elle se sentait en confiance avec une psychologue empathique. Il y a un phénomène, on reste dans la psychologie, qui s'appelle le backfire effect. Donc l'effet du retour de feu, quelque chose du genre, comme quand quelque chose te retourne dessus. Exactement, genre. Tu sais, quand tu craches des airs, ça va te retomber sur le nez. Voilà. Donc essentiellement, plus tu essaies de convaincre quelqu'un qu'ils ont tort en utilisant des faits, plus la personne va devenir convaincue que sa croyance qu'elle avait déjà est exacte. Hein? À vous! Mettons, tu chicales avec quelqu'un, tu essaies de lui donner des faits pour le convaincre, et la personne va être de plus en plus sûre qu'elle a raison. C'est vrai? Puis là, il va falloir aller vérifier sur Internet pour voir qui a raison, puis là, c'est souvent la personne qui a amené les faits. Ça. OK, parce que tu mets en doute ses faits. Exactement. Sûrement parce que tes faits, t'es pas sûr toi-même, je sais. Ouais, c'est ça, je sais pas. Mais tu dis que t'es sûr. Ouais, je sais pas trop. En Chine, celui-là est un petit peu bizarre. La Chine a des stationnements avec des espaces stationnement, en fait, prévus pour les femmes seulement. Des espaces plus larges, ce qui rend le stationnement plus facile et réduit les accidents. Misogyne. Tellement. Tellement misogyne. Oh, je me passe de tout commentaire présentement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Un homme du New Jersey a reçu une facture de 3 750 $ pour une bouteille de vin. Wow! Il l'avait commandé et la serveuse lui a dit 37,50. 3750, tu sais, en anglais on dit ça. 3750. Mais c'est pas 3750 $, ce qu'on dit en anglais, on dit 3750. Donc il pensait que c'était 37,50, c'était 3750. Si tu peux pas la payer? Ben, t'as pas le choix de la payer. C'est comme si t'es dans un magasin, tu brises de quoi? T'as pas le choix. Non, mais c'était au restaurant, hein? Live, là, je sais pas, j'imagine qu'ils t'envoient la police, les huissiers. Ils te font faire la vaisselle pendant un bout, peut-être, hein? Peut-être. Il y avait une publicité pour Orkin Pest Control pour se débarrasser des bébites en 2000 qui essayait de convaincre les gens qu'il y avait une coquerelle sur leur écran de télé. Donc certains ont brisé leur télé pour ça. Non! Ils font ce coquerelle dans la publicité. Je trouve ça génial comme pub. C'est drôle. Orkin et l'agence publicitaire dit avoir reçu des douzaines d'appels de gens qui croyaient, donc qui avaient peur, qui étaient amusés ou les deux à cause de la publicité. Certains téléspectateurs ont demandé à la compagnie de réparer leur télé endommagée après qu'ils aient lancé un objet sur l'insecte. Une femme de Greensboro dans le Maryland a dit qu'elle a réveillé deux voisins tard le soir pour qu'ils viennent chez elle pour chasser et tuer la coquerelle. Un des voisins a rapidement compris que c'était dans la publicité. Très, très génial. Le directeur général, président d'entreprise le mieux payé aux États-Unis John Ammergren de McKesson Corp en 2011. Il faisait plus de 700 millions de dollars. À une réunion annuelle de la compagnie en 2013, un employé a demandé une augmentation de salaire et a été viré 4 mois plus tard. En juin 2014, les revenus à la réunion annuelle de la compagnie a demandé à ce que le severance package, donc le bouquet que tu donnes à la personne lorsqu'elle est renvoyée, c'était un prix de 292 millions de dollars que Ammergren devrait recevoir. Il a demandé à ce que ce soit redistribué aux employés les moins bien payés. Et la proposition a été battue par les shareholders, donc les gens qui ont une part en bourse de la compagnie. Donc ça a été refusé. Ben mon Dieu, c'est dommage méchant. Ouais. Ensuite, le mot mamie lapini lapina. Non, on va recommencer ça. Mamie lapina tapaï. Oui, ben mamie, oui. Lapina, tapaï. C'est dans le livre de records Guinness, c'est le mot le plus succinct. Donc, voulant dire que c'est le mot qui se décrit le mieux lui-même. Sa définition est incluse dans le mot. Okay. Donc, c'est un regard partagé par deux personnes, chacun souhaitant que l'autre initie quelque chose que les deux désirent, mais que personne veut commencer ou démarrer. Ah, ouais. C'est succinct. Fait que tu sais, lâché dans un bar après une coupe de bière, c'est sûr que le gars devant toi, il sait pas que t'espères qu'il va t'embrasser. Même chose pour lui. Exactement. C'est ça vient de la langue Yagan de Tierra del Fuego. C'est listé dans le livre des records Guinness comme le mot le plus descriptif considéré et est considéré par l'auteur de pièces de théâtre autrichien Clemens Berger comme un des mots les plus difficiles à traduire. Je sais pas comment tu ferais pour traduire ce mot-là, mais mamie lapina tapaï. Tapaï ou tapaï? Ça dépend. Parce que tu peux l'appeler avec un AI à la fin, comme tapaï. Ouais. Tu peux l'appeler avec TAPEI comme tapé. OK. Donc ça dépend. Il n'y a pas d'indice phonétique sur la page Wikipédia, malheureusement. La morphologie, par contre, je peux t'en parler. C'est le préfixe passif réflexif. Ma, hein? La racine ilapi, qui veut dire ne pas savoir quoi faire après. le suffixe « n » et un autre suffixe « ata ». Donc, c'est un suffixe étatif, j'imagine, qui décrit quelque chose. Et un suffixe de, d'accomplissement « ata ». Et le suffixe double « apaï », qui est une composition entre le réflexif « mam », qui a un sens réciproque. Ah, ben oui. Mais ça, c'est en anglais. Et je écoute, ne... décrit comme ça, là. Ouais. Tout est clair. C'est moins succinct comme ça. bref, Mami Lapi Nata Pai. Ensuite, on était rendu à parler de scorpion. Le venin de scorpion est le liquide le plus cher sur la planète. Ça coûte 38 858 507,46 $ par gallon. Mm-hmm. 38 millions, rien que ça. Juste ça. 10 jours après le désastre de Tchernobyl, il y avait un risque d'explosion thermique massif qui a été identifié. Les trois hommes, connus sous le nom de The Chernobyl Divers, donc les plongeurs de Tchernobyl, se sont portés bénévoles, volontaires, pour nager dans un bassin d'eau sous un réacteur qui avait fuité pour trouver et relâcher les valves de sécurité. Ils sont morts quelques jours après à cause d'exposition à la radiation. Les plongeurs de Tchernobyl. Le pilote de test, Thomas W. Attridge Jr., s'est tiré lui-même. Donc, il s'est tiré lui-même dans un... Dans un avion, en testant le F-11 Tiger. Après avoir s'être tiré à 13 000 pieds dans les airs, Attridge a accéléré pour plonger et puis a tiré une autre fois à 7 000 pieds où il a été frappé par la balle qu'il avait tirée précédemment dans son avion. Non. Donc, il était dans le... Il s'est comme tiré comme dans l'armée, comme on tirait sur, sur un avion. Donc, il s'est tiré lui-même dans un F-11 Tiger. Puis bref, il a récupéré le fruit de son labeur. Ouais. Mais comment tu peux faire ça? Parce que ça peut tourner en rond, cette fameuse... J'imagine que c'est la vitesse de l'avion du véhicule probablement qui fait ça, qui est plus rapide que la balle. Il faut pas que tu regardes tes angles morts. Hein? Ouais. le Nunavut a le plus faible taux de graduation au Canada. Un étudiant de Kikiktarjouak. Ben oui. Mimi à la tapate pétaille. Ah oui, là-bas! Ouais, c'est ça. Donc, Kikiktarjouak est devenu le premier élève d'école secondaire à graduer en 4 ans, en 2016. C'est vrai? Selon un article de CBC.ca. Mais ils font quoi? Radio-Canada. Ils font la chasse aux phoques? Probablement. Donc, c'est une jeune fille, Lindsay. Ou j'imagine qu'il faut tout simplement s'exporter. Peut-être. Ils vont étudier ailleurs. Elle dit que les mathématiques étaient sa plus grande difficulté, Madame Lindsay Evaluajuk. Mais les professeurs l'ont enseigné, l'ont aidé. Encouragé. À l'école, voilà. Ils auront-tu une université? T'en poses donc bien des questions, attends. Alors, on va aller voir ça. Evaluajuk a terminé ses cours à l'école élémentaire de Inuksuit et au secondaire au mois de juin, fin mai 2016. Elle dit que on lui a demandé de ce qu'elle pensait en fait des autres étudiants dans sa communauté de 627 personnes, donc c'est une petite communauté. Et puis elle a dit, j'ai entendu des gens qui disent qu'ils ont arrêté d'aller à l'école parce que la professeure était pas gentille avec eux. Donc entre autres, ce serait ça. Et puis elle est très occupée à l'extérieur de l'école. Elle a participé à l'expédition en Arctique avec des étudiants en 2015. Oui, qu'est-ce que t'as? J'ai trouvé le Nunavut Arctic College. Oui. Mais présentement, il y a une étude qui a été faite au Nunavut pour la faisabilité d'une université. Donc, ils vont créer, d'ici une couple d'années, une université au Nunavut. Pour la seule et unique étudiante depuis 2012 qui a réussi à graduer. C'est probablement... En fait, ça va probablement être des programmes d'enseignement, justement. Oui, c'est ça. Mais là, on parle juste d'une petite ville, Kikiktarjouak, quand même, donc... ça veut pas dire qu'il y a personne dans le Nunavut au complet. Là, qui, Non, je sais bien, mais là, ça doit pas être une population extrême non plus. Le Nunavut au complet? Nunavut! c'est pourquoi pas se poser des questions live de même? Ben oui, on aime ça faire du live. Ben oui, mais Google, ça. Là, nous. Ça vaut la peine. Donc, nombre de. Population 35 600 en 2013. Oui. Pour une densité de 0,02 habitants par kilomètre carré. Hein? Donc, la plus grande ville est Iqaluit. Oui, tout à fait. Je me demande si là-bas, il y a une université. La province a été créée le 1er avril 1999. Sur 4535 habitants de 15 ans et plus, 1615 n'ont aucun certificat, diplôme ou grade. 775 ont un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent et 265 personnes ont un certificat ou un diplôme d'apprenti dans une école de métier. Donc, présentement, il n'y a pas d'université au Nunavut. Mais si on veut faire de l'argent, là, c'est bon, là-bas qu'on veut. Le premier ministre du Nunavut, en passant, c'est Peter Taptouna. Ou en français, quand on le traduit, Peter Tapleton, évidemment. Peter. Tapleton. Tapleton. Tapleton. Il vit dans son igloo. Ah, franchement. C'est une blague. Hey, raciste. Non, mais Tapleton. Tapleton. Cheddarman, est-ce que tu connais Cheddarman? Non. Excellent sur le craquelin. Non, Cheddarman, un squelette qui est 9000 ans. Il a été trouvé dans une cave, dans une grotte à Cheddar, qui est une ville en Angleterre. Ouais, pour ouais, vrai, ouais. Ça existe? Oui, après avoir testé l'ADN, on a trouvé quelqu'un qui était dans la même famille que Cheddarman à un demi-mille de là. Ça a lié donc 300 générations ensemble. Mais voyons là. Cheddarman. Tu sais, quand il découvre quelque chose comme ça, là, il décide de faire quoi, du porte-à-porte pour genre pogner l'ADN de tout le monde? Peut-être, hein? C'est, peut-être que c'est un criminel aussi. Où ils ont fait comme une annonce, puis là, ils ont dit, oui. On a trouvé l'ADN de quelqu'un, venez voir si ça concorde avec vous. Est-ce que vous ressemblez à ce squelette? C'est ça. Avez-vous déjà vu ce squelette? Bref, Cheddarman, c'est très fort, fort, Cheddarman. Et le jus de cornichon. Le jus, OK, j'ai compris, le jeu non. De cornichon. Je suis là, à quel ça, jeu tu joues, Matt? T'as la pensée croche, Tania. Non, je te jure que non. Le jus de cornichon a environ 20 fois plus de sodium et 8 fois plus de potassium qu'une boisson sportive régulière. Non. On dit que boire 1 once ou 2 onces de jus de cornichon peut arrêter les crampes en dedans de 85 secondes, plus rapidement que l'eau toute seule. Plusieurs athlètes, d'ailleurs, boivent du jus de cornichon avant de s'exercer pour empêcher les crampes. Je sais maintenant ce que je vais boire avant de m'entraîner. Miam, miam, miam. Mais j'avoue que c'est quand même bon, le jus de cornichon. Ben là, le cornichon, oui. Le jus, je suis pas sûr. En petite quantité. Hey, tu peux y mettre dans ton smoothie. Ah, wow! Ben j'avoue que ça doit, le goût doit partir. Remplace ton eau. Tu sais, fais moitié jus de pickle, moitié eau. Ben, je te gage, moi, si je cherche pickle juice, mettons, recipe, smoothie, mettons, donne la voir. C'est sûr. 15 façons d'utiliser votre restant de jus de cornichon. Ouais, il y en a plein. C'est sûr. Allez voir ça. C'est tout pour cet fait. Déjà terminé pour aujourd'hui. On s'est fait, 25 faits, quelque chose à comme ça? À peu près. Environ 25 ou... Ouais, 25. On prend une pause musicale. Au retour, ce sera Sport et Filoché avec Tania. Pour l'instant, on écoute une pièce du palmarès francophone par We Are Wolves. Parles-tu de Au revoir les crapules? Mais oui, mais partez pas là. Hein? Restez avec nous, petite crapule. De l'assemblage requis. C'est vous 89.1 FM. Tu sais que c'est occulte, mais tu sais maintenant. Le vertige et t'isole devient ton grand tourment. Toutes ces crapules qui voulaient briller. Échafaud de Paris. are wolves. Au revoir, les crapules. À Assemblage Rocky. Au retour sport effiloché, Tania is gonna entertain ya. Assemblage Rocky pour toi, aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage Rocky pour toi, aujourd'hui. Vous écoutez Assemblage Rocky en ce mardi 11 octobre 2016 et Tania Baudin. Et Mathieu Plong. On a manqué le lundi pour l'Action de grâce. Mais hein, c'est l'Action de grâce. Je sais, apparemment, c'est ce qu'on me dit. Même si pour ceux qui ont écouté à 6h30, j'avais programmé le prérequis quand qu'il a joué en plein milieu de rien avec une heure. Oups! Mais bon, je l'avais programmé pour lundi. Que voulez-vous? J'ai déjà monté les émissions de mardi-mercredi, fait que ce prérequis-là jouera lundi prochain. Ah, bonne idée. Pourquoi pas? Ouais, on fait pour rien quand même. Mais hein? Non. Il s'est passé bien des choses depuis la semaine dernière, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé de sport. Oui. Donc allons-y avec la chronique Sport et Filoché. Réfléchi. Avez-vous entendu ce que ça a fait? Je suis pas sûr que ça... Oui, ben un petit peu. Tu t'es squirté dans la face, comme toujours, au mauvais moment. Mais non, j'ai juste décidé de prendre de l'eau. Puis c'est drôle parce que la toune s'appelle « The biggest fart in the century ». Ça a fait exactement la même chose avec ma bouteille d'eau. Et voilà. Voilà, c'est ça pour Sport et Fléché. Bon ouais, merci d'avoir été. On est très transparents, nous. Ben oui. Sport et Fléché, chronique de sport qui parle, entre autres, bien évidemment, du sport universitaire puisqu'on est situé sur le campus universitaire. Oui. Mais aussi du sport local. Et je vous dirais que depuis une semaine... Ça a quand même bougé dans les deux cas, que ce soit du côté des Patriotes UQTR, que ce soit du côté du sport local. Il y a des sports qu'on n'avait pas nécessairement entendu parler dans les dernières semaines, dont on va entendre parler ce matin. Mais on va commencer tout ça, bien évidemment, avec le hockey, un incontournable des Patriotes de l'UQTR et un beau début de saison qui a été réussi pour les Pats sur la route. On a remporté le premier... Rempoté. Le premier. Comme un pot de terre. T'as bien compris. On a remporté le premier duel d'une série de deux face aux Laurentiens Voyageurs par la marque de 3-2. Donc, le premier des matchs s'est super bien déroulé. On parle aussi d'une autre victoire la journée d'après, donc 4-0, encore une fois contre les Laurentiens Voyageurs. Donc, c'est... Ça fait penser un peu de moi. Oui, mais on dirait que je sais pas comment le dire sinon. Donc, avec deux victoires en poche pour un début de saison, parce que là, c'est... Faut le dire, là, la saison est commencée. Ouais. Peut-être pas à domicile, ça va se faire demain, mais... C'est tellement excitant en plus. Exactement, la saison est commencée, donc on se souvient, les matchs préparatoires, on avait pris ça peut-être un petit peu plus, je veux pas dire mollo, mais on avait mis en place nos joueurs. Marc-Étienne Hubert, qui est l'entraîneur-chef, l'avait dit. On essaie des nouveaux joueurs. On a quelques joueurs aussi qui étaient blessés pour les matchs préparatoires, donc de ce côté-là, on avait eu quelques défaites. Mais là, la saison est commencée, alors bien évidemment, on le sait, les guerriers des Patriotes de l'UQTR vont mettre leur armure et ça va être très, très difficile. Ouais. T'as-tu vu comment je fais de la poésie? C'est imagé, cette histoire-là, voyons. Donc, sans ça d'où? Oui, c'est ça, je sais pas. C'est le manque de caféine, non, pourtant. Donc, comme je disais, prochain match à domicile, c'est demain, 19h. Si jamais ça vous intéresse, on le dit depuis à peu près une semaine, il va y avoir un gros tailgate à la Chasse-Galerie ici. On vous parle, entre autres, de boissons, de barbecue et bien évidemment beaucoup de monde, musique. Ça commence à 17h du côté de la Chasse-Galerie. Il va y avoir des navettes qui vont vous amener au Colisée et après le match, on vous ramène ici à l'université. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez-y. Ça devrait être plein parce que si on regarde l'événement Facebook, il y a vraiment déjà beaucoup de réponses comme quoi il va y avoir beaucoup de gens dans l'aréna. Ça devrait être toute une atmosphère demain. Voilà. Plein de navettes, plein de nachos, plein de nabos. Oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Du côté du golf universitaire, on le sait, c'était le championnat provincial RSEQ qui se déroulait au club de golf Kiwiteb. Donc, ici même à Trois-Rivières, on a eu d'excellentes performances des Patriotes UQTR. La formation qui s'est qualifiée pour le championnat canadien. Il devrait y avoir des détails qui vont sortir encore dans les prochains jours, mais il y a un article du Nouvelliste qui est sorti de Louis-Simon Gauthier qui parle justement des Patriotes UQTR au golf. Donc, on parle du billet des nationaux qui a été pris dans leur poche. On parle du classement. Donc, on a terminé troisième au championnat québécois de golf universitaire. L'équipe des Patriotes de l'UQTR a réalisé l'objectif qui s'était fixé en début d'année, donc c'est-à-dire retourner au championnat canadien. Et les gauchers Carl Gilna, Anthony Demers ont été particulièrement dominants lors de cette troisième et dernière ronde sur les allées du club trifluvien. Il y a Jacob Robitaille qui a pris le deuxième rang chez les recrues et il s'est aussi mérité sa place pour l'équipe étoile du réseau sport étudiant au Québec. Et le capitaine Michael Langlois a entamé sa ronde quand même du bon pied. On s'est retrouvé même à moins un après six trous. Je connais pas grand-chose au golf, honnêtement. C'est pas moi qui va te contredire là-dessus. Non, mais je sais que le moins que tu fais de points, oui, le mieux c'est. Alors, si on se fie à moins un à six trous, merde, le gars, il est fort. Ça fait Halloween aussi, hein? Moins un à strouille. Moins un à strouille. Donc, la suite, par contre, c'est un petit peu compliqué, mais on a été en mesure de jouer un 81. Donc, les Patriotes ont confirmé leur quatrième position au classement général. Et bien évidemment, on va se rendre du côté du championnat canadien pour l'équipe des Pats Golf. Good job! Une équipe dont on n'a pas encore parlé depuis le début de Sport et Flushé, Mathieu, c'est la natation. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, on a eu un bon départ de la saison pour l'équipe. Il y a déjà 5 nageurs qui se sont classés pour participer au championnat RSEQ. Et il y en a 4 d'entre eux qui ont terminé dans le top 6 lors d'une compétition cette fin de semaine. Donc, on voit que nos pattes UQTR, quand même, sont performants, que ce soit dans le golf, dans le hockey, soccer. On parlait aussi la semaine dernière volleyball, badminton. Donc, de ce côté-là, on sent que on est prêt. On est d'attaque pour la saison du côté des pattes. Et si on parle de sport local, eh bien, du côté de la Ligue d'hockey Seigneur A de la Mauricie, le 7 octobre, donc si je ne m'abuse, le 7 octobre, c'était vendredi. Ah oui, vendredi. C'est ça, c'est bien ça. Donc vendredi soir, le climatisation Cloutier a encaissé une dure défaite de 9 à 3 à Louisville. On jouait contre une équipe qu'on pourrait quasiment qualifier à domicile aussi. Okay. Mais dure défaite de 9 à 3, donc les partisans de l'équipe ont quand même eu un très bon match. Beaucoup d'animation, beaucoup d'animosité. Et la table a été mise pour un match qui s'annonçait assez dur et assez, en bon québécois, rough. D'un coin pour le lendemain. Donc, un match que les gens ne devaient pas nécessairement manquer parce que c'est là que ça allait bouger. On affrontait aussi la même équipe, donc c'est-à-dire l'équipe de Louisville. Et le 8, le lendemain, eh bien, la climatisation Cloutier l'a emporté 5 à 4 contre la même équipe, c'est-à-dire le Bellemare de Louisville. Les gens sur place ont, encore une fois, eu un excellent spectacle. C'est sûr que c'est une ligue où ça va se chamailler pas mal plus que dans la ligue nord-américaine maintenant. C'est beaucoup plus rough, c'est dur. On a eu une bataille générale en fin de match et il restait pas beaucoup de monde apparemment sur les bancs, mais c'est ce que les partisans veulent voir lorsqu'ils arrivent à l'aréna. Donc de ce côté-là, c'est du côté spectacle, ça s'est super bien déroulé. Voilà. Ah, ce profession épicier. Ah. Ouais, je sais, hein, c'est difficile. Du côté du Blizzard de Trois-Rivières dans la Ligue nord-américaine, on parle d'un premier week-end qui a été difficile pour l'équipe trifluvienne. Donc, le Blizzard de Trois-Rivières n'a pas nécessairement savouré la victoire lors de cette fin de semaine. La troupe de Jonathan Lessard s'est inclinée 6 à 1 contre les Marquis à Jonquière et devant aussi 1756 amateurs samedi soir. Beaucoup de gens. Il y a eu des joueurs clés du côté des Marquis qui ont fait mal à certains joueurs de... Ben, pas certains joueurs, mais qui ont fait mal à notre Blizzard. C'est-à-dire que ça a joué dur. Donc, entre autres, Hugo Carpentier, Stéphane Chaput et Alexandre Quesnel, eux ont fait un total de 13 points dans le match où on a malheureusement perdu, disons-le comme ça. Mais il y a... Il y a de grosses transactions qui sont en train de se faire présentement dans la Ligue nord-américaine. Entre autres, Mathieu, hier à minuit et demi, je travaillais encore parce que c'est à ce moment-là que les nouvelles sont sorties. Quelles nouvelles? Donc, du côté du Blizzard, on parle de des transactions très, très importantes. On parle de, comme je le disais, un premier week-end difficile pour le Blizzard, mais le directeur général de l'équipe, Bob Desjardins, a pris tout ça vraiment au sérieux et on a annoncé une signature en concluant aussi une transaction avec Rivière-du-Loup. Donc, en premier lieu, le vétéran joueur de centre Nicolas Corbeil a signé une entente et va être en uniforme dès le week-end prochain. On parle d'un joueur âgé de 33 ans qui jouait pour Thetford Mines avant. Donc, pendant la saison estivale, en retour de Thomas Bellemare, on a échangé le joueur. Il a obtenu 324 points en 262 matchs, dont 151 buts. Il a évolué pour les formations de Saint-Jean-sur-Richelieu, Pont-Rouge, Cornwall et, comme je le disais, Thetford Mines aussi, avant d'être acquis par le Blizzard. Donc, il y a lui, il y a aussi, pardon, les défenseurs Olivier Dallaire et Frédéric Côté qui vont s'amener du côté du Blizzard. Ils jouaient, eux, pour le Rivière-du-Loup. Donc, on parle d'Olivier Dallaire, un trifluvien. On a joué pour les Patriotes de l'UQTR. Il étudie, je pense qu'il n'a pas encore terminé ses études ici, mais c'est un gars qui a joué aussi pour le Blizzard en 2014-2015. En 29 matchs en saison régulière dans la Ligue nord-américaine, il a obtenu 21 points, 90 minutes de pénalité. Tu sais, c'est un rough, là. Et il est natif de Saint-Basile-le-Grand, âgé de 24 ans. Donc, on ajoute vraiment de la défense forte, solide sur ses patins pour le Blizzard de Trois-Rivières. Et du côté de Frédéric Côté, eh bien, c'est un défenseur, lui aussi, avec un très bon physique. On parle de 6'2", 216 livres. Il vient de Roxton Falls, âgé de 26 ans. Donc, il a disputé 75 matchs en saison régulière, récolté 14 points et 226 minutes de pénalité. Ça va jouer dur. Et c'est aussi ce que Bob Desjardins, le nouveau directeur général de l'équipe, dit. C'est qu'il ne veut pas nécessairement avoir une équipe molle. On veut que ça soit dur, on veut qu'on soit combattant, on veut qu'on soit compétitif. Donc, de ce côté-là, il va encore peut-être avoir des transactions qui vont se faire au courant de la semaine. Le Blizzard va disputer son prochain match ce vendredi. Et on va visiter le Cool FM à Saint-Georges et dimanche, ouais, ils vont être de retour à Trois-Rivières. Donc, si vous voulez toutes les informations, la façon la plus facile aujourd'hui en 2016, c'est d'aller sur Facebook et de regarder tout ça. Voilà. Est-ce que j'ai le droit de rire de toi ce matin ou est-ce que tu te sens susceptible aujourd'hui? Pourquoi? Par rapport à quoi? À ma voix? Non. Est-ce que tu me permets? Chapu et cannelle et non pas Chaput et Cassinelle. Hein? De quoi tu parles? Te parler de Chaput et Kessnel. C'est Chaput et Kessnel. Kessnel. Kennel. C'est pas Cannelle, là, c'est un personnage. Kennel. Hey boy, Mathieu. Hey boy. Mais c'est ça qui fait le tour, hey, pour les sports. Yes! Pour sport effleuré. Merci. Faut effleurer! Ben, hein, j'avoue qu'il faudrait se descendre au niveau des amateurs de radio. C'était gratuit comme commentaire. C'est une blague. Merci, Tania. Ça fait plaisir. dans quelques instants, ce sera la chronique Tania Esgolin. Tu t'es, mais avant ça, une pièce de Gasoline. Ne m'oublie pas. Hein? Non. Assemblage Ricky! C'est fou qu'elle avait une femme. Je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de, je reviens de Reaper de Gasoline à Assemblage Requis. Alors, on n'a pas assez de Tania Beaudin. On vient de l'entendre parler pendant un petit bout, mais on va continuer avec un autre petit bout. Ouhou! Elle aime ça, un petit bout. Voici Tania is gonna entertain ya. Terrible. Ça veut tellement rien dire. Ah, je sais. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. And she's gonna entertain ya. Bonjour Tania. Hey, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Ça, ça va très bien, toujours. Merci. Génial, génial. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Je pense qu'on revient un petit peu sur ce qui s'est passé dans nos vies jeudi. Oui, tout à fait. Bien, comme tu viens de le dire, on n'était pas nécessairement en onde vendredi. Pas nécessairement, non. Non, en fait, on n'était pas là par certaines, dans certains univers parallèles, on était peut-être en onde, mais pas... On était peut-être en onde, mais non, aux dernières nouvelles, on n'y était pas. Non. Par contre, jeudi, on a fait des dégustations, Mathieu. Oui, on a fait ce qu'on appelle un remote pour remote. Oui, exactement. C'est-à-dire que comme on n'a pas l'équipement pour faire un remote à l'extérieur, live comme ça dans le campus, on est venu en direct à l'émission de Denis Beaudin. Ben oui. Pour parler du rendez-vous des microbrasseries première édition. On avait parlé ici à Assemblage Requis avec Laurent. Oui. Jeudi matin. T'as bien raison. Donc vous êtes au courant si vous écoutez Assemblage Requis. Mais on est venu en parler à la radio. Ça a donné un très bon, moment cocasse. Ouais. J'ai pas eu le temps de les découper. C'est correct, c'est bien correct. Ouais. Mais oui, bien évidemment, on en avait discuté avec Laurent. Pour ceux qui n'étaient pas en onde jeudi matin, qu'est-ce que c'est exactement le premier rendez-vous des microbrasseries? Mais ça le dit par lui-même, hein, c'était le premier rendez-vous des microbrasseries. Il y avait, Mathieu, si je ne m'abuse, c'est 7 microbrasseries qui étaient sur place. Est-ce qu'on essaie de les dire? Tant d'une pinte? Tant d'une pinte? Trou du diable. Trou du diable. Gambrinus. Gambrinus. À l'affût? Oui. Buck Hill, les sœurs grises. Sœurs grises. Et celui sur le coin à droite complètement. Oui, c'est Gris Cheese aussi, l'univers Gris Cheese. Ouais, l'usine du Gris Cheese qui est associée avec Broadway Pub. Broadway Pub, voilà. Et voilà. Ouf, hey. Donc, il y en avait vraiment pour tous les goûts. On en avait discuté avec Laurent. Il y en avait une qui avait été créée spécialement pour l'événement. La Mishmash. Entre le temps d'une pinte et le trou du diable. On a parti la soirée avec ben ça, oui, en fait, il faut le dire. Un petit peu à l'heure du 5 à 7, quoi. Ouais. L'événement a commencé à 15h. Techniquement. Mettons que dans le concret, peut-être 16h. Ouais. Environ. Et puis il y avait, on a commencé donc comme tu le dis par les mishmash, on a essayé pas mal une bière de la plupart des endroits. Oui, la plupart. Dont une bière au Porto. Oui, que j'ai bien à aimé. Ne pas confondre avec porno. Ce qui est le moment drôle que Tania a fait en onde, que imaginez-vous en train de le diffuser en ce moment. Oui, mais le pire c'est que comme ça, je disais que mon père était un grand amateur de porno. Mais c'est du porteur. Eh oui. Mais ça goûtait le vin, c'était vraiment parfait. C'était vraiment très, très bon. On a goûté à la Micmash qui était spécialement pour l'événement, qui était... Agrumé, exactement. Je trouvais que ça partait quand même bien la soirée. C'était pas trop, trop rough. Souvent, on va dire que si on commence, par exemple, une bière noire, mais là, on va commencer à l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour une dégustation de bière. J'ai posé la question à certaines des microbrasseries qui étaient sur les lieux. En fait, à savoir, est-ce qu'une dégustation de bière, c'est comme une dégustation de vin, tu sais? Est-ce qu'il faut regarder la robe? Faire entrer l'air dans la bouche. Oui. Donc, c'est très, très diversifié comme... école, ouais. Disons ça comme ça. La plupart vont juste simplement goûter à la bière, mais comme je l'ai dit, il y a une gradation des choses. C'est toujours de commencer par la plus pâle et par la suite, on va se rendre à la plus foncée, qui est en temps normal des noirs. Moi, j'ai goûté à une noire qui était chocolat, cacao, 95%. Et si je ne m'abuse, c'était aussi de l'épinette qu'il y avait à l'intérieur de cette bière-là. Elle provenait du Buck Hill. Ah oui, je pense que j'ai essayé de la goûter aussi, mais j'ai pas réussi à la finir. Je m'excuse. C'est la fin de la soirée, ça. Je vais essayer parce que j'ai le petit pamphlet ici devant moi, mais malheureusement, c'est pas inscrit. Par contre, on a beaucoup aimé, Mathieu, la A20, oui. Qui était une de leurs bières vedettes du côté d'une microbrasserie de Drummondville. Donc, si jamais il y a des gens qui nous écoutent sur le campus de Drummondville, sachez-le, là, c'est à côté de chez vous. Ouais. C'est vraiment à côté du campus de l'université. C'est super bon, les gens sont super accueillants. Il y a plusieurs... bières différentes. Mais la A20, Mathieu, si tu veux, qu'est-ce que c'est exactement? La A20. Oui? Moi, je l'ai trouvée quand même assez... rafraîchissante. Oui. Très, elle était pâle, celle-là, quand même. Oui. Et c'est quand même une bière rousse qu'on qualifierait quasiment brune, mais ça goûtait pas ça. Ça goûtait pas ça du tout. Je pense que c'est celle-là que j'ai pas réussi à finir parce que c'est la dernière de la soirée et j'étais complètement fini. Mais non, je l'ai bien aimé la vin. Je la réinsérais à estomac un petit peu moins rempli de bière. C'est vrai. C'est difficile de passer une bière à l'autre parce que c'était des demi-bocs ou des bocs complets, dépendant. Si les gens ont bu des bocs complets, là. Ah, sérieux? Non. On est allé avec des demi-bocs, mais ils s'empilaient d'un par-dessus l'autre parce qu'on n'arrêtait pas d'aller s'en chercher d'autres. Oui. Donc, le ventre faisait mal. Oui. Mais elle était bonne, la vin. J'aimerais vraiment la filer. C'est pas elle qui goûtait les côtes levées. Par contre, j'en ai goûté une autre qui venait du... Je pense que c'est du Broadway... comment tu l'as appelé? Le Broadway Pub. Broadway tu me l'as fait essayer, c'est là, il me semble. Si je me souviens bien, c'était une rousse qui goûtait quand même les côtes levées. La sauce barbecue, en la général. La sauce barbecue, ouais, c'est quelque chose qui... Mais beaucoup... pas trop non plus, là. Non, non, exactement. J'ai beaucoup apprécié. Il y a aussi une bière quasiment blanche que j'ai goûtée du Trou du Diable, qui était très, très intéressante. Elle avait été faite, en fait, à l'intérieur de barils de vin, soit de vin rouge, soit de vin... blanc, mais inquiétez-vous pas, il restait pas de vin dedans. C'est pas celle qui est au Porto, là. C'est pas celle qui est au Porto non plus, mais sachez-le, si vous aimez le vin mousseux, si vous êtes type champagne, vin mousseux, c'est une bière que vous allez vraiment beaucoup apprécier parce que ça goûte ça. Ça goûte vraiment le vin mousseux ou le champagne et c'est un petit peu la raison du pourquoi. C'est parce que ça a été conservé dans des barils de vin blanc et rouge, donc tout dépendant. Et je pense qu'on peut le dire, événement qui a très bien réussi. Absolument, très très bien. Et même qu'au-delà de la bière, mon moment préféré, Mr. Michoui. Oh, Mr. Michoui, là. J'en ai mangé deux, il y en avait trois sortes. Je sais pas comment vous avez fait, les gars. Ça a passé, là, j'en mangerai une là, live, là. j'ai mangé la Michoui, non pas la Michoui, la choucroute Oktoberfest. Oktoberfest, t'as bien raison. C'est une autre. Donc, Oktoberfest avec saucisse et choucroute. Et j'ai mangé la Devil avec saucisse et comment t'appelles ça? Sauce piquante, oui, exactement. Oui. C'était vraiment excellent, j'adore ça. Dans la Oktoberfest, il y avait du bacon aussi, je sais pas si t'as remarqué. Des petits copeaux de bacon, du vrai bacon en plus. C'est vraiment très bon. Il me reste la Michoui à essayer, j'ai pas pu en laisser une troisième, là, à un moment donné, c'est vrai. Calmer. On tient à saluer les gens des Sœurs Grises. Oui. Qui avaient l'air à avoir beaucoup de plaisir. Ah oui, les gens des Sœurs Grises, place au centre-ville, qui en tout cas, l'air du fun, c'est pas mal là que ça se passe, hein? Ben, si jamais vous voulez frencher... Devant eux. Devant ou eux. Ou avec eux. Ou avec eux, je pense que c'est là que ça se passe. C'est au centre-ville, sur le coin du Nord-Garde. Ouais, parce que, ouais, c'est ça. Mais Mathieu, j'ai beaucoup ri parce qu'en fait, à la suite de l'événement, il y a des photos qui sont sorties sur la page Facebook de C'est fou. Et on n'en a pas où que malheureusement, les gens sont en train de frencher aux Sœurs Grises. Mais il y a une photo des gars qui étaient présents au kiosque des Sœurs Grises. Et il y a une des professeurs de l'UQTR qui a commenté « Ah, là-bas, c'est une bière un French. » Une bière un French. Mais il faut bien faire du marketing. Marketing, ben oui, ça. Je pense que les gars ont bien réussi à vendre leurs produits ou à se vendre, un des deux. Ils ont l'air fin. Les Sœurs Grises. Oui, les Sœurs Grises. Donc, c'était le premier rendez-vous. On verra ce que ça donne pour le reste. Je pense que l'équipe est satisfaite. C'est, dans le zone campus, on écrit que c'était satisfaisant pour l'équipe. Ben, je crois que oui. Le recteur était présent au 5 à 7 des professionnels. Il y a eu beaucoup de professeurs aussi qui sont venus ou du personnel de l'UQTR. Donc, en premier lieu, on tient à vous remercier. On espère que vous avez apprécié les événement. Et je pense que c'est quelque chose qui va se faire dans les années à venir aussi, un renouvellement. C'était un bel événement et ça va peut-être même grandir. Peut-être! Peut-être auraient-ils pu récupérer leur stock de tasses s'il n'y a pas marqué première édition dessus. Et puis c'était 10 demain. Grave. T'enlèves le 1. Gratuit au petit grattoir à vite. Là. Mais oui, exactement. Un autre événement dont je veux vous parler, c'est un événement où je suis allée dimanche, accompagnée de mon frère qui est un gars tatoué. Qui aime les tatous. mais qu'on a quand même beaucoup d'amis aussi tatoueurs. On s'est en allé du côté du rendez-vous Shawi 3R 2016. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, c'est un congrès de tatoueurs d'un petit peu partout au Québec. Donc, c'est pas nécessairement des gens qui sont juste de Trois-Rivières ou juste de Shawinigan. On parle entre autres Québec, Gatineau, on parle Vaudreuil-Dorion aussi. Donc, la première édition avait été faite à Shawinigan, mais là, à la suite suite de ce fameux grand succès-là, on a décidé de le faire du côté de Trois-Rivières, donc du Delta Trois-Rivières. Je ne sais pas si tu as déjà été dans un congrès à Trois-Rivières, non. Mathieu, mais les salles sont quand même grandes. Il y en avait trois. Trois salles wow. complètes, remplies de tatoueurs. Et bien évidemment, c'était un événement où c'était possible de se faire tatouer sur place. J'espère bien. Si jamais vous aviez cette envie-là. L'argent. Ou l'argent aussi. Bien souvent, dans des congrès comme ça aussi, les prix vont être moins chers qu'en salon parce que c'est sur le coup. Mais vous n'allez peut-être pas nécessairement avoir le choix d'arriver avec votre propre tatou, okay. à moins que vous ayez pris rendez-vous avec votre tatoueur qui va être présent à ce congrès. Mais quand même, c'est je pense que ça a été une très belle édition pour eux. Il y a un concours de tatou aussi qui se fait durant la fin de semaine. Donc, il y a des juges qui se promènent. Il y a des juges aussi qui vont regarder le travail des tatoueurs qui sont là. Un des salons de tatou qui est très, très reconnu ici à Trois-Rivières, c'est Frères d'encre. Ouais. On a ramassé quelques prix de ce côté-là pour Frères d'encre. Ils sont plusieurs tatoueurs à être présents. Et je pense que c'est du gros calibre aussi qu'on a à Trois-Rivières du côté des tatoueurs. Donc, ils se sont mérités quand même quelques trophées durant la fin de semaine. Félicitations à eux. Et il y a aussi un salon de tatouage que j'ai découvert de Québec qui s'appelle Création Studio. Je parle entre autres de la tatoueuse qui a tatoué mon frère en fin de semaine. Elle est sous le nom de Lil Marge. Donc, si jamais vous cherchez sur Instagram ou sur Facebook, c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir trouver ses dessins. Mais c'est du style cartoon. C'est vraiment bien fait. Elle dessine et elle tatoue de façon merveilleuse. Il y a beaucoup de couleurs. Donc, si vous êtes du style à aimer les tatous de couleurs et tout ça, allez faire un rendez-vous, allez faire un tour sur sa page. Vous allez voir, vous allez en avoir pour votre argent malgré le fait que Facebook, c'est gratuit. Là. Pour parce que ça vaut vraiment la peine pour les yeux. Elle fait un excellent travail. Ouais. Voilà. Hey! Ouais, ça c'était court aujourd'hui. C'est rapide aujourd'hui, hein? Ouais. Ça, on n'est pas habitué à ça. Merci, non. Tania. Ça fait plaisir. Voilà. Une autre chronique de Tania et Sgonel de Tania chaque matin de semaine à Assemblage Requier. Au retour de la pause, David Ferron va être avec nous pour la chronique du journal Zone Campus. Restez là. Aujourd'hui. Vous êtes assez tardé pour l'écouter. 89.1. C'est fou.ca. Assemblage pour toi aujourd'hui. Assemblage Requier en ce mardi 11 octobre 2016. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, chaque semaine, à cette heure-ci environ, on reçoit David Ferron qui vient nous brasser un petit peu les idées en nous parlant du plus récent numéro, ou du numéro à venir, départ de la semaine. Cette fois-ci, c'est le numéro qui sort aujourd'hui même du journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. David Ferron, rédacteur en chef du journal Zone Campus. Bonjour à toi. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi, ça va? Ben oui, merci. Oui, t'as l'air en forme. Ben oui, ben vous deux, passez une belle action de grâce. Oui. On remercie la vie. Ben oui. Oui, et on David est reconnaissant Ferron. Pour les matins de radio. Absolument. On aimerait ça animer dans d'autres cas horaires, mais on n'est pas rien que le matin. Ah, qu'est-ce que tu veux, c'est le matin. Donc cet après-midi. Et cet après-midi. Et demain après-midi. Vous êtes workaholic. Pas mal, oui. Pas donc, mal. Numéro 2 du volume 12 du journal Zone Campus qui sort aujourd'hui 11 octobre, qui va être bon jusqu'au 24 octobre. Ben, il va être bon, il va être. Excellent. Adéquat. Ah, excellent, oui, c'est ça que je voulais dire. En une, on a le championnat universitaire québécois de golf. On en parlera une fois rendu en sport. Mais on commence en actualité. Avec une assemblée générale annuelle parsemée de débats à l'AGA. Oui, exactement. Donc, l'AGA qui a lieu, en fait, si je ne me trompe pas, le mercredi, le 28 septembre dernier. Donc, ils ont réussi à avoir le quorum, un levée de cours pour qu'il y ait une assemblée générale. Donc, ça aide beaucoup dans ce temps-là. Oui. Donc, notamment concernant le budget de la chasse-galerie, ça a été discuté notamment. Donc, c'est ce qui a été parlé aussi par rapport à une cotisation spéciale. Si je ne me trompe pas, il y a de quoi par rapport à l'Association des étudiants en ingénierie aussi. Donc, plein de points, parce que l'Assemblée générale, ça permet de faire un point sur tout ce qui arrive dans la vie étudiante. Oui, n'importe qui peut se présenter au micro, poser des questions. Oui, exactement. Ton mot de la rédaction, c'est le pas entre le pommier et la tarte. Qu'est-ce que ça veut dire? Faut que j'en parle. Faut que tu... Ah, tu veux titiller les gens? Donne-leur un mot ou deux, un hashtag. Oui, en fait, ça parle juste du fait qu'on est rendu à l'automne et que là, durant la session, on est déjà bien installé. Mais en même temps, il reste des trucs à découvrir. On n'est pas encore dans nos baskets tout à fait. On l'est de plus en plus, mais la session, plus que la session va avancer, plus que on va être habitué. Tu vas tomber dans les pommes, c'est peut-être ça l'affaire aussi. C'est peut-être ça. Faut pas. Toujours à l'actualité, Hélène David, qui était à la tribune libre de la GE, donc une tribune libre sur l'enseignement supérieur récemment. Oui, exactement. Donc, elle a fait. Elle était venue la semaine dernière, Hélène David, la ministre de l'Enseignement supérieur, parce que c'est rare qu'il y ait une ministre qui vient à l'UQTR. Ouais. Donc, c'est très apprécié qu'elle soit venue. Il y a notamment le recteur qui était là également. Donc, c'est couvert par Étienne Campeau. Génial. On revient un petit peu sur le rendez-vous des microbrasseries présenté par C'est fou. On vient juste d'en parler avec Tania, donc on va sauter ça. Et on a Show Me Your Burlesque, l'art de sensibiliser à la violence faite aux femmes. C'était organisé par les animateurs de C'est fou le sexe les lundis matin à 9h30. Ben oui, par Marie-Ange et Anthony. Mm-hmm. Et aussi chroniqueur aux zones campus. Oui, exactement. Donc on y reviendra tantôt. Donc en fait, Show Me Your Burlesque, c'était en fait un spectacle bénéfice. Okay. Y avait en fait une partie qui allait à la maison de connivence. C'était pour sensibiliser les gens par rapport à la violence. Mais il y avait aussi des spectacles un petit peu humoristiques aussi. Donc, on avait mis le théâtre, le comique, mais aussi la sensibilisation. Donc, on voulait que les gens passent un bon moment, mais tout en leur donnant l'occasion d'être sensibilisés. Et ça a très bien fonctionné. C'est un genre de show de variété, vraiment cool. Et pour terminer l'actualité, l'éditorial de Pedro Beauchemin, l'humain approximatif, aujourd'hui, dans ce numéro-là, c'est « avait juste à pas le faire, lettre à tous les cultures du viol sceptique ». Oui, en fait, c'est que ce que Pedro explique dans son édito, c'est d'abord c'est qu'il explique que ce qui est important, c'est l'éducation par rapport au viol et tout ça, la culture du viol. Ce qui est important, c'est vraiment à partir de l'école d'éduquer les gens et de les sensibiliser par rapport au respect et que les campagnes, parfois, par contre, c'est pas ce qui est de plus efficace. C'est quoi pas que... faire juste ça. Exactement, l'éducation en premier. Absolument, ça, c'est un très bon point. Donc ça c'était les sociétés, maintenant on s'en va en société. Ça c'était l'actualité, ça, là on s'en va en société. C'est pas ça que j'ai dit? Non, t'as dit là, c'était la société, on s'en va en société. Mon cerveau doit être à moitié à on. Je le dis, c'est on manque de caféine. Ouais, donc on s'en va en société. Et voilà, oui. Donc Gwendoline Lebeaumain nous parle au nom des femmes, accès libre à l'IVG. Oui, exactement, parce que en Pologne, en fait, le gouvernement très, très, très conservateur voulait passer une loi durcissant la législation par rapport à l'avortement. Et le gouvernement polonais voulait en fait emprisonner jusqu'à 5 ans les médecins et les femmes qui se faisaient avorter. Ah, wow. Rien ben, moins. Un peu comme ce que Donald Trump proposait il y a quelques temps. Il fallait que quelqu'un paie pour ça. Ben oui. Ouais. Donc, ça rend déjà que la loi en Pologne, elle est déjà très, très restrictive parce qu'il paraîtrait que les Polonaises doivent aller dans les pays limitrophes pour pouvoir se faire avorter. Ouais. Et à un prix assez fou, merci. Mais par contre, le gouvernement aurait reculé là-dessus, mais la question reste quand même en débat et c'est toujours des controverses. C'est un extrême débat là, un petit peu partout dans le monde présentement, tout ce qui se rapporte à l'avortement de toute façon. Dans l'article de Kevin Gaudreau, on parle « L'estime de soi est directement en lien avec la valeur qu'une personne s'accorde à elle-même ». Exactement. Et là, c'est là qu'on va voir les nuances par rapport à l'ego et l'image qu'on projette, parce qu'on peut projeter une image de confiance en soi, mais ça veut pas dire que notre estime de soi est bien forgée. Ouh, c'est ce que okay. Kevin nous explique. Article que je vais lire. On parlait justement tout à l'heure avec le spectacle Show Me Your Burlesque d'Anthony Morin et de Marie-Ange Perrault. Eh bien, ils nous ont fait la petite vite, doucement, mon lapin. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Oui, en fait, là, vraiment, la chronique La Petite Vite porte vraiment, vraiment son nom cette fois-ci parce que là, en fait, Marie-Ange et Anthony s'alternent. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, c'est Anthony qui a écrit l'article et là, il parle d'éjaculation précoce et comment y remédier ou comment vivre avec, par exemple. Donc, il nous explique c'est quoi l'angoisse par rapport à ça et tout. C'est très humoristique, mais en même temps, c'est pas du tout idiot du tout et ni scatologique. Est-ce que tu me disais que les articles qui sont plus humoristiques, c'est tout le temps Anthony et les articles plus instructifs, c'est Marie-Ange? Oui, exactement. Donc, ça se complète bien. C'est vraiment un très beau duo, Anthony et Marie-Ange. Bon, on met les initiales à la fin du texte pour être sûr. Ben oui. Ouais. Jean-François Veilleux, qui se souvient pouvoir citoyen comme à chaque bonne année, en août dernier, il a eu la chance de participer à son 5e Rainbow Catering, c'est-à-dire un rassemblement peu commun et très peu connu, bien qu'il s'agisse d'un mouvement international. Donc, il fait la contribution pour démystifier la sagesse derrière l'esprit Rainbow. Oui, en fait, c'est un mouvement qui est très, je dirais, altermondialiste, si je peux dire ça comme ça. Donc, je voulais dire altermondialiste, j'ai de la misère avec ce mot-là. Tu peux le dire, mais t'es pas capable. Ouais, je voudrais le dire tellement, mais ça sort pas. Donc, en fait, c'est un mouvement qui est très porté sur l'environnement, notamment la connexion avec la nature. Donc, c'est un mouvement qui prône justement le respect de la Terre. C'est bien parti. Ouais. Ben oui. Maintenant, on retourne en art et spectacle avec le long week-end du cours qui avait lieu les 24, 25 et 26 septembre prochain. Dernier. Alors, là, il réfléchit pas avant de parler. C'est correct, merci. Dernier. Oui, puis vraiment, les concepteurs de ce week-end-là avaient vraiment des idées très originales. Il y avait notamment Brun Nuit, La Veillée qui tâche, une thématique qui avait sorti notamment. Donc ça, c'est tous des films, je pense, d'horreur, si je me trompe pas, ou des volets de trash. Dans le fond, Alicia appelle ça le volet trash. Ouais. Mais il y a aussi un film qui s'appelle Mutant. C'est un court-métrage parce que tous les films, donc le long week-end du cours, ça dit, c'est tous des courts-métrages. Il y avait notamment la projection de Mutant d'Alexandre Dessy qui a remporté un prix prestigieux au plus récent festival des films de Toronto. Super. C'est la nouvelle saison de La Luître qui a commencé récemment. Donc, on fait un petit résumé du début de la saison. Oui, exactement. Et là, c'est beaucoup de relève parce que ça a l'air que le camp de recrutement a permis des nouvelles révélations. Donc, ça parle surtout de saison du camp de recrutement et du premier match. Génial. Et il y a un match jeudi, un match spécial contre l'AI, qui est l'Alliance d'improvisation ludique, qui va avoir lieu ce jeudi. Étant donné qu'il n'y a pas de match lundi pour l'Action de grâce, on en fait un spécial, c'est jeudi. Et c'est pas à 20h, c'est à 20h30. Donc notez l'heure. Et c'est à la Chasse-Galerie, toujours à la même place, toujours gratuit. Donc, soyez. Ensuite, on parle d'art visuel avec Marie-Christine Perra, de la peinture numérique. Oui, exactement. Donc, ça parle en fait, parce que pour les étudiants ou le personnel qui passe devant le bureau de, en fait, le poste de garde. Ouais. Donc, ils vont pouvoir voir deux peintures. Donc, c'est l'œuvre de Rodolphe Calciné, mais ça a des peintures, mais en fait, c'est toutes des réalisations 3D. Ah ben, donc, quand ça paraît pas sur la photo, mais c'est cool ça. Mais c'est ça qui est particulier, c'est vraiment tout fait avec du numérique. Donc, justement, Mère-Christine s'est entretenue avec Rodolphe pour mieux comprendre son art qui est assez inusité et très intéressant. En musique maintenant, au Zénob, il y avait le groupe Gadji Gadjo, le groupe de musique du monde que tu dois connaître pas mal bien, j'imagine. Ben, pas tant que ça. Non, en fait, je l'ai découvert en même temps que j'allais chercher mes assignations parce que la musique du monde, c'est très large. Oui. Mais en fait, c'est un groupe qui est très centré sur les musiques, je dirais, balkanes, je dirais. Mm-hmm. Mais aussi, c'est un mélange de l'Europe de l'Est, de jazz et de progressiste. Donc, l'album aussi est gratuit. En fait, les albums de Gadji Gadjo sont disponibles sur Bandcamp. G-A-D-G-I et puis G-A-D-J-O. Ouais, exactement. C'était l'ouverture de la 10e édition du Off Festival de poésie de Trois-Rivières le 9 octobre dernier. Oui, puis qu'est-ce qu'il y avait de particulier, c'est qu'il y avait le groupe avec podcast qui était là pour justement le Off Festival de poésie. C'est pas la première fois que le Off Festival de poésie accueille des artistes sur scène, mais ça a l'air qu'avec podcast, qui les ont intéressés, c'est vraiment l'aspect poétique parce qu'on sait que le groupe aime beaucoup les thèmes imagés et tout, donc même dans les films de Stéphane Laporte, qui fait partie du groupe, ouais. Il y a toujours un petit côté poétique, un peu imaginaire. Est la seule rescapée des chroniqueuses en art et spectacle. En fait, rescapée, je dis ça, mais c'est une nouvelle chronique, donc ça n'a pas vraiment rapport, mais la seule qui reste, parce qu'il y en avait plein. Donc, c'est Alassania Kouyi qu'on accueille ici les lundis à l'émission. Dans le journal, c'est complètement différent. Dans notre émission, elle parle de science, médecine, corps humain. Là, c'est chronique d'une citoyenne du monde. Oui, en fait, c'est le point de vue vraiment culturel. Donc, elle va nous parler de tout ce qui touche l'art, mais à travers le monde. Et là, ce qu'elle parle, c'est vraiment les célébrations. En fait, la culture soufie, elle nous explique ça, le côté spirituel de cet art-là et tout. Comme quoi, c'est vraiment pas rien ni sectant ni religieux, c'est vraiment le côté spirituel, le côté artistique aussi là-dedans, le côté aussi intergénérationnel de la tradition soufie. Donc, c'est vraiment très intéressant comme article. Mm-hmm. Et on retourne en art visuel avec Marc-Christine Perra, comme on l'a fait tantôt. Il y a deux vernissages, un à la galerie R3 et l'autre à la galerie d'art du Parc. Oui, donc Yann, en fait, parmi, je vais surtout parler du vernissage à la galerie R3. Ça, c'est l'artiste Annie Consecao-Rivet. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des trucs qui semblent assez simples. Par exemple, elle va prendre, si je ne me trompe pas, du lait pour faire son art, par exemple. Donc, des objets. Des peintes de lait, là, on le voit sur la photo, ouais, des peintes de lait. Oui, exactement. Donc, des trucs de la vie quotidienne pour transformer ça en art. Et l'autre projet, en fait, l'autre article, la mémoire des paysages, c'est un exemple de collaboration entre art visuel et poésie. Super. Donc, ça, c'est les arts et spectacles. Mm-hmm. Et maintenant, on transitionne vers les sports. On en a déjà discuté dans Sport Réfléchi ce matin, mais les Patriotes ont excellé au championnat provincial, bien évidemment. Donc, si ça ne te dérange pas, David, on va sauter tout de suite à l'article suivant. On approfondit vraiment ce qui s'est passé au camp des recrues du Canadien de Montréal pour Guillaume Maslin. Oui, exactement, qui est en fait un joueur étoile de l'équipe de hockey des Patriotes parce que Guillaume Maslin a fait le camp de recrutement des recrues du Canadien. Malheureusement, il n'a pas été sélectionné, mais par contre, ça lui a donné le goût de pouvoir persévérer davantage et je pense qu'il est assez optimiste, c'est ce qui est bien, parce que ça veut peut-être dire que peut-être l'année prochaine, il va se retrouver avec les Canadiens ou une autre équipe, on le sait pas. On ne sait jamais. Du côté de Caroline Filion, ça arrive parfois qu'elle écrit pour les sports et c'est ce qu'elle a fait cette semaine. On revient vraiment sur la saison des compétitions qui commence pour chaque équipe des Patriotes UQTR. Oui, pour le soccer, la division masculine, ça va quand même relativement bien. Donc, même s'il y avait eu une défaite le 2 octobre, ça va quand même assez bien. Il y a peut-être l'équipe féminine que là, ça pas moins bien, mais il paraît qu'ils peuvent se relever quand même. Oui. Donc, à surveiller pour le soccer. Pour le cross-country, d'ailleurs, ça va assez bien parce que les deux athlètes de la semaine dernière, en fait, les athlètes de la semaine, Patriotes de la semaine, c'était justement deux athlètes de cross-country. Ceux de cette semaine, d'ailleurs, sont pas encore sortis. J'ai fait les recherches pour savoir qui ils étaient, mais c'est pas encore annoncé, sachez-le. Du côté des Patriotes, eh bien, on va partir du bon pied. C'est le premier article de Vincent Boisvert pour le Zone Campus. Oui, en fait, il y en a écrit deux parce que ça, c'est notre nouvelle recrue en sport, Vincent Boisvert. Oui. Vraiment une recrue très prometteur. Donc, Vincent Boisvert fait deux articles, en fait, sur les deux premiers matchs de la saison régulière de l'équipe de hockey des Patriotes qui était à l'extérieur. Parce que le premier match local va se faire mercredi, donc demain. Oui, si on a hâte, hein, on en parle depuis une semaine au moins, deux semaines peut-être à l'émission. Ouais. Mais on parle aussi du voyage qui a été presque parfait à Sudbury pour la même équipe. Oui, parce qu'ils ont eu deux victoires contre l'équipe de l'Université Laurentienne de Sudbury. Et voilà, c'est ce qui met fin au sport, mais aussi au Zone Campus. Absolument, Zone Campus volume 12, numéro 2, qui va être en kiosque jusqu'au 24 octobre. Toujours gratuit et toujours disponible aussi sur zonecampus.ca. David Ferron, merci. On te retrouve à ton émission qui commence demain soir. Oui, exactement. L'Obe Trotter, qu'est-ce que c'est? Le L'Obe Trotter, en fait, c'est tout. Les musiques qu'on peut entendre un petit peu partout dans le monde. Donc, on s'intéresse à différents genres musicaux. Ça peut être autant la musique de l'Europe de l'Est, ça peut être autant le rock blues du désert marocain, par exemple. Est-ce que c'est comme une revue revisitée de palmarès du monde? Genre? Oui, mais sans top 5. Oh, et voilà. C'est comme aussi La langue dans ton oreille. C'est comme toutes les émissions que David Ferron a eues à travers le temps. Mais là, présentement, c'est L'Obe Trotter. Oui, exactement. Et ça commence demain. C'est mercredi soir à 19h. Et ça repasse les dimanches à 16h. Sur C'est fou. Entre autres. J'ai le mot qu'on adore en passant. Vraiment le meilleur, le meilleur. Merci David Ferron. Ben, merci beaucoup de m'avoir accueilli encore une fois, Tania et Mathieu. Fait plaisir. Alors, on écoute Groenland avec Distraction. Et puis après ça, ben, l'émission continue de plus belle à Assemblage Requis. guitar, I'm not so sure. But can be no rational makeup for when I'm feeling lost. There's a rumor spreading through my body as I move further from the truth. It's all that you can pretend. If I find a way to mend, I don't know then. Fall into position, what do you need proof for? When every disease is a distraction, I'll be careful with words. Did I scream through the past? I wish I could keep track of reality. Au retour, tantôt l'émission va continuer avec le vrai et le faux, mais avant ça, on écoute la capsule Info Campus. Voici la capsule Info Campus. Les Patriotes commencent la saison régulière à domicile le mercredi 12 octobre. Pour souligner l'événement, un 5 à 7 se tiendra à la Chasse-Galerie avant le match. À noter également qu'une autre partie aura lieu deux jours plus tard, soit le 14 octobre à 19h. Toujours au Colisée de Trois-Rivières. Le 21 octobre se tiendra une séance d'information sur les stages ou études à l'international au local 22-23 du pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. D'autres séances auront lieu les 2, 7, 9 et 23 novembre dans différents locaux. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, www.uqtr.ca/partir. Du 11 au 13 octobre, l'Association des étudiants au baccalauréat en enseignement secondaire tiendra une grande friperie dans le hall Gilles Boulet de l'UQTR afin de financer leur bal. Le 85e congrès de l'ACFAS se tiendra du 8 au 12 mai 2017 à l'Université McGill. Vous pouvez soumettre une proposition de communication. Pour la catégorie colloque scientifique et enjeux de la recherche, la date de tombée est le 1er novembre. Pour la catégorie communication libre, la limite est le 28 novembre prochain. Pour soumettre votre candidature, acfas.ca/congrès. Si vous travaillez ou étudiez dans un milieu vous mettant en présence de produits dangereux, une formation gratuite sur le système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail vous est offerte le mercredi 19 octobre à 8h30. Pour vous inscrire, www.uqtr.ca/gmd. Une reprise aura lieu également le mardi 22 novembre à 8h30. C'était la capsule Info Campus. On vient entendre l'Info Campus avec la voix de Tania Baudin maintenant. Ben oui, apparemment, c'est nouvellement moi. David a duré une fois. Ouais. Avant de plus être capable de s'entendre. David Ferron qui l'a fait la semaine passée. Merci Tania pour ça. Ça fait plaisir. On écoute ça tous les matins dans Assemblage requis, deux fois, à des heures différentes, dépendant de nos chroniqueurs. On va essayer de lui trouver une heure plus stable, mais je vous garantis rien avec les chroniqueurs qu'on a, c'est difficile. J'ai dit tantôt, retour de la pause, c'est le vrai le faux. On va essayer de jouer à ce petit quiz. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans l'actualité que vous avez vu sur Internet, ou même si vous l'avez pas vu, on va vous en parler, puis vous allez me dire, ça c'est vrai, ça c'est faux. C'est au retour de la pause à Assemblage requis. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Bonjour de retour à Assemblage requis en ce mardi 11 octobre 2016. C'est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, et maintenant, c'est la chronique que je sais pas si un jour je vais avoir le temps de mettre une intro sur cette chronique-là. Oh, je sais pas, hein. Je me demande si je vais avoir l'envie de le faire. C'est toujours le fun de jouer à ça. Je trouve que c'est un petit quiz où on essaie de deviner qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans l'actualité. Est-ce que ça tente de jouer à ça? Ben oui. C'est le vrai, le faux. Imagine-toi une petite chanson qui dit le vrai, le faux, le vrai, le faux. On commence par, malheureusement, je dois absolument commencer par ça, Tania, parce que tu nous en as parlé à l'émission récemment. Oh non, je sais que c'est plate de se faire dire des fois que ce que tu as dit n'était peut-être pas exact. Oh non! Oui, la mère ne transmet pas seule l'intelligence aux enfants. Tu veux savoir si c'est vrai ou si c'est faux? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ben, je me souviens que ça disait que le gène du père est pareil là, mais il s'en va pas nécessairement exactement à la même place. Donc? Oui, non! Oui, non! Non, c'est non. Oh! Un post de blog écrit par une psychologue espagnole a récemment été repris par une partie de médias. Il affirme que l'intelligence serait principalement transmise par la mère, ce qui est faux. Donc, vous avez peut-être vu passer ce titre-là. C'est une assertion très relayée qui provient d'un article écrit par Jennifer Delgado, une psychologue espagnole sur son blog Psychology Post. Elle synthétise les résultats de plusieurs études scientifiques pour affirmer que l'intelligence est principalement transmise génétiquement par la mère. Le raisonnement est le suivant. Les gènes de l'intelligence sont surtout transmis par le chromosome sexuel X, comme tu avais dit. La femme ayant deux chromosomes X, elle est responsable de la transmission des capacités cognitives à l'enfant. Reprise par nombre de médias enthousiastes, l'information a été largement partagée, mais c'est complètement erroné, ou sinon c'est de façon trop simpliste. Il n'existe pas de définition unique de ce qu'est l'intelligence ni de comment la mesurer. En biologie, le terme désigne souvent les capacités cognitives générales d'un être humain, c'est-à-dire la mémorisation, l'attention, le langage, la capacité de raisonnement ainsi que toutes les fonctions exécutives jouant un rôle dans le traitement de l'information par notre cerveau. Les progrès technologiques continuent depuis 30 ans permettent des études de plus en plus fines du génome humain de façon à identifier le rôle et les fonctions jouées par les gènes. Ceux responsables de l'efficacité de nos capacités cognitives, communément appelés les gènes de l'intelligence, font l'objet d'une attention particulière et de nombreuses recherches en génétique. Est-ce qu'on les a trouvés? Ben, il semblerait que oui, mais l'affaire est bien plus compliquée et nuancée qu'il n'y paraît. Donc, le chromosome X est-il porteur de ces gènes de l'intelligence? C'est ce qu'affirmait Mme Delgado. Mais les conclusions de ces études ont été invalidées depuis par de nouvelles recherches, ce qui n'est pas rare car la recherche en génétique est en pleine expansion. Ça bouge beaucoup. L'article se base notamment sur une étude de 1972 de Robert Lurk, qui a été le premier à formuler un lien entre le chromosome X et les capacités cognitives, mais son étude concernait un échantillon faible d'une dizaine de familles et faisait le constat que les troubles mentaux touchaient plus les hommes que les femmes. Lurk concluait alors que les gènes ayant une influence sur l'intelligence se trouvaient dans le chromosome X. Plusieurs études ont ensuite mis en évidence le fait que plusieurs gènes responsables de troubles mentaux étaient situés sur le chromosome X, renforçant la thèse de Lurk. Mais à mesure que les recherches génétiques ont progressé dans l'identification des gènes et leurs fonctions, il est apparu que c'était pas aussi simple. Trois conclusions principales ont émergé. La première est que la transmission génétique joue un rôle moins important dans la détermination des capacités cognitives que ce qu'on pensait. Estimé de 70 à 75% il y a encore 30 ans, le rôle de la génétique est aujourd'hui évalué approximativement entre 20 et 40%. Deuxièmement, plusieurs études publiées récemment montrent qu'il n'y a aucune corrélation significative entre les gènes de l'intelligence identifiés et le quotient intellectuel. Si ces gènes existent, ils sont bien plus nombreux que ce qu'on pensait auparavant et jouent donc un rôle faible. L'étude en 2013 de l'ADN et du QI de près de 18 000 enfants venant d'Australie, des Pays-Bas et du Royaume-Uni montrait déjà que nos capacités cognitives dépendent d'un grand nombre de gènes. Mais l'une des études les plus complètes sur le sujet a été publiée dans la revue Nature Neuroscience en décembre 2015. Cette étude montre que les capacités cognitives seraient influencées par deux vastes réseaux de gènes appelés M1 et M3, ces deux réseaux comportant respectivement 1225 et 160 gènes sont répartis sur tous les chromosomes humains à l'exception du chromosome Y. Le chromosome X ne comportait pas plus de ces gènes que d'autres chromosomes. On dit que 66 sur les 1225 du réseau M1 et 4 sur les 160 du réseau M3, soit 5% du total. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres informations dans l'article sur assemblagerequis.com, mais donc c'est moins important qu'on le pensait. Oh! Ça veut pas dire que c'est complètement faux. Ce que là, ma mère va être triste. C'est vrai. Là, on y va avec des choses un petit peu moins touchantes pour toi parce que c'est pas quelque chose que t'as parlé avant. Donc, okay. Allons-y avec une étude. En fait, OK. On recommence ça. Hein? On recommence ça. Il y avait un test du système d'alerte d'urgence qui a été diffusé à la télé. Mm-hmm. Qui a mené vers des théories du complot pour un crash de train à Hoboken. Donc, apparemment, qu'il y avait un message qui parlait d'un train à la télé dans un message d'urgence et qui apparaît en haut de l'écran. OK. Avant que le train crash à Hoboken. Est-ce que c'est vrai? Non, je vais dire c'est faux. C'est faux? Ouais. C'est vrai! Hein? C'est vrai! Le soir juste avant l'accident de train à Hoboken, une station de l'État de New York a diffusé un message du système d'alerte d'urgence mentionnant les trains. Okay. Tout à fait vrai. C'était le 29 septembre dernier. Un train du New Jersey Transit a fait un accident à Hoboken qui a tué une personne et blessé plus de 100 personnes. Pas trop longtemps après l'accident, les rumeurs ont commencé à parler du Emergency Alert System qui avait montré une station de Utica le soir d'avant. On va écouter l'extrait. Puis après ça, on va voir ce que ça. On va essayer de juger ça. Wow. Attends un peu. Mm-hmm. Ça dure 30 secondes même pas. Donc ça dit les autorités civiles ont sorti un avertissement de matériaux dangereux pour les États-Unis. Effectif à partir du 29 septembre à 2h16 du matin. Et là, ça dit « Est-ce que vous pourriez, point, sur un train, point d'interrogation, attendez d'autres instructions, point. Ah! » C'est spécial, hein? Et ça a été diffusé avant l'accident de train. C'est prouvé, c'est tout à fait vrai. Donc, je répète les phrases à la fin. Là. Ça dit « Would you, point, could you, point, on a train, point d'interrogation, attendez d'autres instructions. » Bizarre. C'est quand même épeurant. Donc, c'est les autorités civiles qui ont fait ça. La station a confirmé le fait que ça avait eu lieu. Et donc, ça, c'était le 28 septembre. Ça disait sur Twitter, si vous avez regardé notre bulletin de 18h, vous avez vu un message sur des matériaux dangereux. Il n'y a pas d'avertissement comme celui-là, donc dans le sens que c'était un mauvais avertissement. C'était une erreur technique. Ils ont aussi publié un bref article le 28 septembre. Ça disait donc que le message était un test automatisé qui n'était pas supposé être diffusé en public. Le message était originaire donc de FEMA. C'était un test avec un National Location Code à l'intérieur. Les tests ne devraient pas avoir retransmis ce message. Ils ont contacté le New York State Broadcasters Association qui administre le système d'alerte d'urgence pour essayer de régler le problème. Ils ont aussi publié un message sur Facebook indiquant qu'un deuxième message erroné avait été diffusé à 22h38 et qu'il n'y avait pas d'urgence en tant que tel. Le message de « Would you, could you » Évidemment, couplé avec l'accident de train le lendemain a mené à des théories du complot. Mm-hmm. Mais le phénomène n'est pas localisé. Les utilisateurs de YouTube dans plusieurs états ont partagé leur version locale de cette diffusion avec le message d'urgence qui, encore une fois, était un bug. C'est un message qui mentionnait d'ailleurs les États-Unis au complet. Est-ce qu'on confirme pourquoi ça avait été cette phrase-là? OK. C'est ça, c'est une rime de Dr. Seuss dans un de ses livres, Would You, Could You, on a Train. Ouais. Ensuite, on parle de l'employé de McDonald's qui a été arrêté pour avoir transporté 80 livres de McCroquettes dans un orifice. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Attends, répète! 80 livres de croquettes de poulet dans un de ses orifices, on peut deviner lequel. Un employé de McDonald's. Tu dis que c'est vrai? T'es zéro point. C'est faux. Le 21 septembre 2016, le World News Daily Report, sur un site web, a publié un article disant qu'un employé de McDonald's avait été arrêté pour avoir transporté sur une longue période de temps, on estime 80 livres de croquettes de poulet congelées dans sa cavité anale. Mais c'était une autre fausse nouvelle. La photo qu'on voit sur assemblagerequis.com date de 2008, n'a rien à voir. World News Daily Report ne fait seulement que des fabrications avec des photographies prises de d'autres sites hors contexte. Et ça dit même en bas de leur site web. Ils ont fait plein d'autres nouvelles comme ça, mais c'est fou. Ensuite, on parle de clowns avec des armes des États-Unis qui ont envahi le Canada et tué 23 victimes. Tu as certainement entendu parler de ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? OK, je sais pas s'ils ont tué du monde, mais je sais que c'est vrai qu'il y a des clowns qui se promènent partout. C'est vrai qu'il y a des clowns partout, mais la nouvelle en tant que telle, des clowns américains avec des armes qui ont envahi le Canada et tué 23 victimes. Je vais dire non. C'est faux, t'as un point. Ouais. Bravo. 3 octobre 2016, le Global Sun publie un article qui parlait donc de clowns avec des armes des États-Unis qui avaient envahi le Canada. Il n'y a aucune vérité dans cette histoire-là. Le Global Sun, c'est un faux site web qui ne publie pas de vraies nouvelles. L'histoire de clowns fabriqués a été publiée alors qu'on parlait justement qu'on avait vu des clowns dans les États-Unis. En août 2016, les résidents de Greenville, en Caroline du Sud, ont dit avoir vu des clowns qui essaieraient d'attirer des enfants dans le bois. Quelques semaines plus tard, les clowns s'était rendu en Caroline du Nord. Et depuis ce temps-là, ces clowns épeurants ont été vus partout aux États-Unis. Mais on n'a pas de preuves en tant que telles qu'il s'est passé rien de plus que ça. Il voilà. Y en a qui se promenaient au centre-ville de Trois-Rivières en fin de semaine, apparemment. C'est vraiment très tard le soir. Puis ils suivaient du monde. Ah ouais, hein? C'est... C'est je pense que je me promènerais avec un bat de pétard. Clairement. Justement, on reste dans les clowns. Une rumeur partout aux États-Unis qui a mené à l'attaque brutale d'une magasineuse, d'une personne qui magasinait chez Walmart parce qu'elle portait beaucoup de maquillage. Donc, okay. La fille porte des gros sourcils, du gros là, eyeliner énorme avec plein de rouge à lèvres. Les gens qui magasinaient chez Walmart ont attaqué ou encore tué la femme parce qu'elle portait trop de maquillage. Je sais pas. Oh, les gens aux États-Unis! Est-ce que tu peux me dire c'est où? Ça se passe dans... à Oklahoma. City. Je dirais que c'est faux. C'est faux, en effet. Phew! Avec la rumeur de tous les clowns, site web, de fausses nouvelles a sorti cette nouvelle-là par rapport à une fille qui avait trop de maquillage, qui aurait été tirée ou tuée dans un stationnement de chez Walmart. C'est sorti le 5 octobre 2016. Mais ces articles-là ont été publiés par le faux site de nouvelles, deux faux sites de nouvelles comme The No Chill, qui parle de plein de fausses nouvelles habituellement. Ensuite, on reste chez les clowns. En fait, le premier ministre canadien qui menace de jeter les clowns en prison ou en leur donnant des contraventions. Une loi pour arrêter et donner des contraventions aux gens qui portent des costumes de clowns. De clown. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ish. Attends, répète. Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui aurait annoncé une nouvelle loi pour arrêter et donner une contravention aux gens qui portent des costumes de clowns. Je pense que c'est pas encore rendu à ce point-là. Fait que je vais dire que c'est faux. C'est faux, en effet. Yes! En octobre 2016, de faux sites de nouvelles, évidemment, arrêtez pas de parler de clowns parce que c'est le sujet du moment. C'est ça. Ça n'a absolument rien à voir. Une nouvelle loi qui disait qu'elle allait recevoir une contravention de 10 000 c'est tout. Il n'y a rien à dire de plus que ça, c'est fou. On reste dans l'Halloween un petit peu avec une vieille nouvelle qui recircule en octobre 2016. Non, pas l'affaire du... Qu'est-ce qu'il y a? OK, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Faut pas l'affaire que le Halloween va se passer. Non, on a déjà parlé ça, c'était faux. Okay. Que l'Halloween tombait un vendredi 13 la première fois. T'avais dit vrai, mais c'est l'Halloween du 31. OK, donc il y a un club à Amsterdam qui fait des Blood Rave. Donc un rave de sang, mais avec du vrai sang pour l'Halloween. Arc! OK. True story or false story? OK, je vais dire faux. C'est faux. Phew! Quand même, ça aurait pu être vrai. C'était le 3 octobre. Ça aurait pu être vrai. Ah ouais. Ça aurait été dégoûtant. Ben, il pogne son sang, c'est genre sang de cochon. Donc, c'est That Viral Feed qui a publié un article disant qu'un club de nuit à Amsterdam faisait un blood rave pour l'Halloween et que l'événement allait domper du vrai sang sur les gens dans le club. C'est complètement faux. L'événement décrit par That Viral Feed a eu lieu en 2015 et c'était toujours pas du vrai sang. Même si les organisateurs à ce moment-là n'étaient pas trop clairs par rapport aux événements qui ont mené plusieurs publications à diffuser des nouvelles par rapport au vrai sang. Les organisateurs de l'événement ont plus tard sorti un texte clarifiant que le Blood Rave utilisait du sang synthétique et non du vrai sang. Le Blood Rave est inspiré par la séquence d'ouverture du film de vampire Blade. Les événements à Amsterdam disaient être les premiers du monde, mais des événements similaires ont eu lieu partout sur la planète, dont le Blade Rave au Comic-Con de New York en 2015 aussi, avec du sang synthétique. Plusieurs sites de nouvelles ont parlé d'une femme qui poursuivait un hôpital après avoir dit que la piqûre, le vaccin pour la grippe, avait rendu son fils gay. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est où ça? C'est aux États? C'est aux États-Unis. Je veux dire que c'est vrai. Ah boy, non, c'est faux! Okay, phew. Ah, une chance! Le 26 septembre 2015, le World News Daily Report, vous connaissez, on les mentionne souvent. Ils ont publié un article qu'on a revu ensuite sur That Viral Feed, disant qu'une femme avait poursuivi un hôpital parce que le vaccin pour la grippe ou le rhume avait changé son fils. Donc c'est Andrea Benanacci. Tout ça est complètement fabriqué. Le modus operandi de World News Daily Report est de prendre des photos qui ne sont pas reliées et de les attacher à des articles qui ont l'air vrais mais qui sont faux, comme on l'a dit tantôt. Donc la photographie de Andrea Benanacci qui accompagnait l'article date d'août 2015 dans un article sur une femme qui s'appelle Amber McCullough, une mère de jumelles siamoises, ainsi que la photo de Frank Weisberg qui est une photographie du plus vieux docteur du monde, Walter Watson, qui date donc d'un autre article. Aucune des photos a rapport. Ensuite, ça me fait vraiment peur. Un randonneur pédestre qui est tombé sur un genre de dommage. Hommage, ouais. Un hommage, comme genre une place, comme un, pas un musée si on veut, mais fait de posters de personnes recherchées, de personnes qui sont introuvables, des gens qui ont été kidnappés, des trucs comme ça. Donc, il était dans le bois, il marche, puis il trouve ce shrine-là. Donc, un hommage à plein de gens qui sont introuvables. Moi, ça me fait peur. Ben, moi avec. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je veux dire que c'est faux. C'est faux. Phew. En effet. Hey, il y a une chance. C'est une vidéo qui circule sur Facebook du New York Post disant qu'un homme est dans le bois, donc avec des posters de gens recherchés. Il y a une structure humaine dans le milieu. La vidéo a supposément été donnée à la police de New York et présentement, ils enquêtaient sur la situation. Donc, tout ça est faux. C'est le randonneur James Rankin, le 3 octobre 2016, qui disait qu'il se promenait dans le Long Island, dans le Berkeley-Jackson County Park, où il a trouvé un groupe d'arbres dans une petite vallée avec des posters de personnes recherchées. Dans le milieu des arbres, il a trouvé des branches qui étaient placées de façon symétrique. Par contre, on a dit que la police du comté de Suffolk ne croit pas qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé là. Une porte-parole a dit que Rankin est tombé sur une installation pour l'Halloween. Dans le fond, c'est qu'il était entré sur un terrain privé sans faire exprès. C'était un montage pour l'Halloween, c'était pas une scène, une vraie scène. Ah, si on veut. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est faux. Les posters viennent de différentes parties du pays et décrivent vraiment des personnes qui sont vraiment recherchées, donc c'est vraiment des vrais posters de personnes recherchées. Par contre, on dit que ceux qui prévoyaient le party ne s'attendaient pas à ce que ce décor-là se retrouve dans les nouvelles. La police a rapidement fermé l'enquête, n'ayant trouvé aucune preuve de choses qui auraient pu se passer ou d'activités par des tueurs en série ou enlèvements surnaturels comme les gens le disait sur Facebook. Maintenant, une photo qui montre un dauphin qui se fait prendre par le vent de l'ouragan Matthew. Un dauphin donc qui a l'air de voler ou presque au vent sur l'eau. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ah, j'ai goût de dire c'est vrai. Non, c'est faux! OK. C'est faux. Une photo qui montre donc une image de dauphin pris dans le vent de l'ouragan Matthew le 7 octobre 2016. C'est le site The People of Lancaster qui a publié cet article-là. Parlant donc d'un photographe pour The Weather Channel qui avait capturé une image de dauphin. Les gens de Lancaster ont mis à jour l'article plus tard dans la journée disant que le photographe avait réussi à capturer une deuxième image d'un dauphin volant. Vous pouvez aller voir les photos sur assemblagerequis.com. Aucune de ces photos-là n'est réelle. La première photo a été prise en 2004 et capture la cour de la Floride pendant l'ouragan Francis. La deuxième photographie a été prise aussi en Floride, mais en 2005. C'était l'ouragan Dennis qui approchait l'étape. Mais toutes ces deux photos-là n'avaient pas de dauphin à l'origine. On les a rajoutées par la suite. Le People of Lancaster, c'est de la satire. Ensuite, Hillary Clinton. Parlant de Weather Channel, est-ce que la campagne Clinton a répondu à des rumeurs négatives en retirant leur publicité pour, weather, pour le Weather Channel pendant la tempête Hurricane Matthew? Donc, est-ce qu'elle avait acheté des annonces politiques sur Weather Channel pendant l'ouragan Matthew? C'est ce que ça veut dire? Probablement. Probablement? Je veux dire que... Mais là, ce que ça dit, c'est qu'elle les a retirés. Ouais, c'est ça, qu'elle les a retirés ensuite, mais qu'elle avait acheté de la publicité pendant Hurricane Matthew, et ce qu'on veut savoir, c'est vrai aussi. Je veux dire que c'est vrai. C'est vrai. Parce que c'est totalement logique, je suis désolée. Tout à fait, ouais, ben, tu veux aller où les gens te regardent. Voilà, donc le 5 octobre 2016, Politico parlait donc des candidats à la présidence américaine, Donald Trump et Hillary Clinton, qui vont être élus l'un ou l'autre en novembre 2016. Évidemment, disons qu'ils étaient moins dans les nouvelles à cause de l'ouragan Matthew, au moment de la nouvelle. C'était une tempête de catégorie 4. Donc, la nouvelle, citant la source, citant une source qui n'est pas nommée, voilà, a dit que la campagne Clinton avait dépensé 63 000 $ américains en publicité sur The Weather Channel pour coïncider avec l'ouragan qui frappait la Floride. Politico a creusé là-dedans et s'est demandé si Donald Trump avait fait la même affaire. Attends un petit peu. Après que des blogs et des commentateurs aient attaqué Clinton pour avoir capitalisé sur le désastre, la campagne Clinton a sorti un communiqué de presse aux médias disant que l'achat de Weather Channel était une petite portion de leur argent. Quand l'ouragan Matthew a frappé Haïti, Cuba, les Bahamas et d'autres pays des Caraïbes, laissant des centaines de personnes mortes, selon les estimés les plus conservateurs, la tempête s'est ensuite amenée dans le sud-est des États-Unis. C'est ça, elle aurait retiré ces publicités-là après, c'est ce que ça dit en haut de l'article. Ouais, elle a répondu à ses commentaires négatifs en les retirant du Weather Channel pour le reste de la tempête. Il y a une photo qui circule sur Internet en ce moment qui montre un homme avec des yeux très très rouges et on dit que c'est un cancer de l'œil causé par l'utilisation de son cellulaire le soir, la nuit. C'est faux. C'est faux, t'as tout à fait raison, c'est J'espère. Faux. J'espère. Ben oui. Donc il y a une photo qui montrait un homme avec les yeux complètement rouges. C'est sorti de différents sites de santé en mars 2016. Ça fait quand même longtemps. La plupart de ces photos-là partageaient le grand titre « Un homme diagnostiqué avec un cancer de l'œil parce qu'il faisait ceci la nuit ». C'est comme les clickbait ont tendance à faire. Et un paragraphe en mauvais anglais parlant de son téléphone cellulaire. Mais la photo ne montre pas du tout un cancer de l'œil. Les images ne montrent même pas un homme qui a été diagnostiqué de cette maladie-là. La photo, en fait, date de 2013. Elle a été envoyée sur sinophoto.com. C'est un exemple de conjonctivite. OK. Simple de même. Donc, les yeux rouges et la membrane muqueuse qui prend de l'expansion. Même si la première photo, la photo d'origine, faisait aucune mention de cellulaire ou de cancer, l'image a été reprise par un site social chinois et partagée avec le grand titre qu'on a dit tout à l'heure. L'American Cancer Society, le U.S. National Library of Medicine et l'American Society of Clinical Oncology n'ont pas sorti d'avertissement par rapport à l'utilisation du téléphone cellulaire la nuit et peu importe les problèmes d'yeux, dont le cancer de l'œil. Mais il reste encore plein de temps aujourd'hui. Je pensais qu'on aurait moins de temps que ça. Mais ouais. Je m'étais pas préparé tant que ça. Un homme de l'Alabama qui aurait créé un vrai mille pattes humain. Tu te rappelles du film Human Centipede? Ouais, où le médecin coule la bouche de quelqu'un aux fesses de l'autre et la bouche de l'autre et la l'autre de l'autre, pour faire un mille pattes humain. Donc ce serait en Alabama. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. C'est faux! T'es bonne quand même! Donc, il n'y a pas d'homme de l'Alabama qui a fait ça. Et nuit par ailleurs. Donc, le 7 octobre, l'Alabama Observer a parlé. Suspect qui aurait eu rapport avec la création de tout ça. Aucun autre média a parlé de cette nouvelle-là, probablement parce que l'Alabama Observer est un faux site de nouvelles créé la même date que la nouvelle est sortie. Donc l'aventure, l'histoire du Real Life Human Centipede qui est apparue sur différents sites de fausses nouvelles à travers le temps. Et puis là, ça dit que le Baltimore Gazette et le Boston Tribune, oui, il y a eu de faux sites qui ont été installés pour propager des nouvelles fausses en se camouflant comme de vrais médias. Ensuite, est-ce que c'est vrai que la femme de Donald Trump, Melania, a porté une blouse qui s'appelle Pussy Bow au deuxième débat présidentiel, quelques jours, trois jours après que la cassette de Donald Trump sur la poignée par le VJJ, Grab Her By The Pussy, est sortie. Elle portait une robe qui s'appelle Pussy Bow. Hey, veux-tu rire? J'ai vu un article par rapport à ça. Est-ce que c'était vrai? Ça pourrait être faux, même si c'est un article de médias. Mais je veux dire que c'est... Oh. Des fois, les médias... C'est vrai, oui, t'as raison. Donc, c'est vrai, elle a porté cette robe-là après la conclusion. Il n'y a plus rien qui me surprend par rapport à Donald Trump. Ben plus non, rien. Hein? Fait que tu sais que sa chemise s'appelle Pussy Bow, man. Après la conclusion du deuxième débat présidentiel à la Washington University à St. Louis le 9 octobre dernier, plusieurs fashionistas ont identifié la blouse fuchsia portée par Melania Trump en tant que une robe à 1100$ de soie qui s'appelle... c'est de la crêpe de Chine. C'est une sorte de soie, apparemment. Une création du géant de la mode Gucci, un style de blues qu'on appelle Pussy Bow. OK, puis Gucci a appelé ça Pussy Bow. Oui, Pussy Bow. Supposément parce que le nœud, la genre de boucle qui est à la gorge, ressemble à ce qu'on attache autour des coups des chats. Donc, chat, pussy, un chaton, pussy, tu sais. Ouais. Donc, ce serait pour ça. Mashable et plusieurs autres en ont parlé. Le choix de la blouse était peut-être mal timé, étant donné la connexion avec Grab Her By The Pussy. Une page en ligne montre cette blouse Gucci qui se vend pour 1100$. C'est un style déjà bien établi, avec la boucle autour du cou. C'est souvent fait de matériaux épais, qui permet à la personne qui le porte de l'attacher de plusieurs façons. C'était très à la mode depuis les dernières années, mais ça a des décennies historiques derrière. Et on dit pour la campagne Trump que c'était non intentionnel. Oh, celui-là me fait peur encore, Tania. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Une photographie qui montre qu'est-ce qui s'est passé après un saut à la corde où deux hommes ont perdu leurs bras. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai? Oh boy, tu l'as vu dans ma face, je pense, hein? C'est vrai. Ah! C'est vrai, donc c'est une photo... Est-ce que c'est un close-up? Ben, c'est assez pour que ce soit vraiment dégoûtant que j'ai des frissons en ce moment parce que je la regarde. Je veux que tu me l'envoies. T'es pas allé voir sur le site? Attention! Hé, hey, regarde ça! Oh! Ah! Oh my god! Oh my god! Ok, mais c'est pas si pire, là. Ben, c'est un bras à terre, là. T'écoutes pas CSI, hein, toi? Non, vraiment pas, mais la réalité dépasse la fiction, hein, comme on dit. Non, mais là, c'est pas si pire, là. On dirait un mannequin. Un faux bras, mais quand tu sais que c'est un vrai bras, c'est là que ça fait peur. 25 octobre 1997, un gros concours de souk à la corde a eu lieu dans un parc près de Keelung River à Taipei. C'était en célébration. En célébration de quoi? Oui, de la Retro Session Day, donc c'est le 52e anniversaire de la fin de l'époque coloniale japonaise à Taïwan, quelque chose comme ça. Donc plus de 1600 participants ont participé au concours. On dit qu'environ 80 000 kg ou plus de force sur une corde de nylon de 5 cm qui était capable de supporter seulement 26 000 kg. Donc en quelques secondes, la corde a craqué et ça a fait mal au bras gauche de deux hommes, Yang Kyung-ming et Chen Ming-kwa, en dessous de l'épaule. On dit que quand les membres sont tombés, ça a été causé par la force de rebond de la corde brisée et non pas le fait que les hommes avaient enveloppé la corde autour de leurs bras. Tu comprends? Mais ils ont pas été vite, hein, d'enrouler ça autour de leurs bras. Mais c'est pas à cause de ça. C'est à cause du rebond lorsque la corde a cassé. Oui, je sais. Que leurs bras sais. Ont cassé. Ouais. Mais tu sais, ils n'ont pas cassé, Mathieu. Ils ont arraché. Les victimes ont été amenées à McKay Memorial Hospital et ont passé 7 heures en microchirurgie pour réattacher leurs bras. Oui, ça se fait. Oui. Y a aussi d'autres blessures. En février 2013, dans un incident en Californie, dans le sud de la Californie, pardon, où deux étudiants de South El Monte High School ont perdu des doigts pendant un concours de saut à la corde. Donc tout ça est vrai. Est-ce que c'est vrai que 20% des patrons sont psychopathes? C'est apparemment une nouvelle qui fait le tour des médias. 20% des patrons. Salutations à Jean-Philippe. Psychopathe, oui. Salut, JP. Je m'excuse d'être raide avec toi des fois. Je vais dire c'est faux. C'est faux, en effet. Plusieurs médias se sont enflammés sur une étude affirmant qu'un patron sur 5 aurait des tendances psychopathes, mais comme souvent, l'étude a été mal interprétée. C'est l'histoire désormais classique de l'étude américaine, reprise par la presse rapidement et sur un mode léger au point de lui faire dire ce qu'elle n'a jamais dit. Et si, c'est faux. De très nombreux médias ont repris cette étude ces derniers jours, y compris le journal Le Monde. Pourtant, un examen plus attentif aurait dû inciter à plus de prudence. Après les pervers narcissiques, les psychopathes sont devenus un sujet récurrent des magazines. En 2010, une étude similaire menée autour de cette question par un psychiatre new-yorkais, Paul Babiak, avait déjà fait l'objet de nombreuses reprises dans la presse, par exemple dans le quotidien britannique The Guardian ou le site slide.fr. Monsieur Babia concluait, après avoir fait passer des tests à 203 cadres dirigeants, que 4% d'entre eux présentaient des traits caractéristiques d'une structure mentale psychopathe contre 1% de la population générale. Si les auteurs mettaient eux-mêmes en garde contre les limites inhérentes à un échantillonnage réduit, l'étude avait déjà passionné les médias avec des titres du genre « Un patron sur 25 serait psychopathe ». C'est comment que c'est? Cette fois, un psychologue australien, Nathan Brooks, en a fait son sujet de doctorat mené avec Katharina Fitzson à l'Université de Bond en Australie et l'aide d'un autre chercheur, Simon Croom, de l'Université de San Diego, en Californie. L'article paru dans la revue Crime Psychology Review durant l'été et qui sera présenté dans un colloque à Melbourne a une nouvelle fois passionné la presse. Comment les chercheurs ont-ils travaillé? Ils en ont fait synthétiser d'autres travaux. Notamment ceux de M. Babiak. Ils n'ont donc pas mené eux-mêmes d'expérimentation. En réalité, ils discutent justement les chiffres avancés par d'autres, notant que, selon un test psychiatrique employé, la différence peut être très importante, de 3 à 20. Mais où est-ce qu'on a sorti le 20%? D'une autre étude menée en partie par les mêmes chercheurs et mentionnée dans l'article de Brooks et Fitzson, cette enquête a porté sur un seul secteur, celui de la gestion de la chaîne logistique. Des volontaires, 261 au total, tous avec un niveau de responsabilité avéré, ont répondu à ces questionnaires. Leurs réponses ont montré que 55 d'entre eux présentaient des traits de psychopathie, soit 21%, c'est-à-dire le niveau qu'on rencontre par exemple en prison. Les chercheurs estiment ce niveau élevé et mettent en garde contre les conclusions hâtives, compte tenu de l'absence d'enquêtes plus vastes ou portant sur d'autres secteurs et une incertitude relative aux questionnaires utilisés qui semblent faire grandement varier le taux final de psychopathe. Et la notion de psychopathe est discutée. Il y aurait de bons et de mauvais psychopathes. Allez lire le reste de l'article sur assemblagerequis.com. Et on va terminer avec celui-là, tiens, pourquoi pas. Deux images de Danville en Virginie de véhicules policiers avec leur capot levé mènent donc à ce qu'on pense que les policiers ont le droit de lever le capot de leur véhicule pour cacher leur caméra à l'intérieur de la voiture pour pouvoir faire quelque chose qu'ils ne devraient pas faire. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je veux dire, c'est vrai. C'est en partie vrai, mais c'est surtout faux. Donc, les images montrent vraiment des véhicules de police de Danville avec les capots levés. C'est complètement vrai et c'est pas des Photoshop. Mais ils ont pas le droit. Mais c'est ça. C'est que les capots ont été levés pendant une enquête lors d'une journée très, très chaude pour éviter les unités de surchauffer et pour ne pas obstruer justement les dashcams de leurs véhicules. Le département policier n'a pas de policier qui leur permettant de faire la deuxième option, c'est-à-dire ça dit que c'était pour empêcher les unités de se surchauffer et non pas pour obstruer leur caméra. Ils ont pas de politique leur permettant de faire ça, de lever leur capot. Alors, c'était le 22 septembre 2016. Un utilisateur de Facebook avait posté un statut que vous pouvez retrouver sur assemblagerequis.com qui parlait de la police de Danville en Virginie qui avait la permission d'utiliser leur capot pour cacher leur dashcam à leur discrétion. C'était partagé par plusieurs sur les réseaux sociaux, ce qui a mené au reste de l'enquête. Finalement, l'image d'origine est retraçable au 24 août 2016 dans le Danville Register and Beat, un article sur des coups de fusil qui avaient été tirés près du département policier. Les capots qui sont levés dans cette image-là n'étaient pas mentionnés. On disait pas que ça avait rapport avec rien dans la photo. Il n'y a même pas de détails là-dessus. Donc, Snopes.com a contacté le département policier de Danville pour leur demander si leur département avait une politique pour permettre aux officiers d'obstruer leur dashcam et poser des questions sur les images qui étaient sur les réseaux sociaux. Et l'officier avec qui ils ont parlé dit qu'il était au courant qu'il n'y avait aucune politique comme celle-là à Danville. Il a aussi dit que les photographies ont été prises pendant une enquête d'un véhicule civil qui avait été tiré, ajoutant que l'enquête s'était passée pendant un après-midi alors que la police avait passé plusieurs heures à passer au peigne fin la place pour trouver des preuves comme des restants de balles. Étant donné que les véhicules étaient sur la scène depuis plusieurs heures, les officiers ont levé leur capot comme mesure préventive pour protéger contre la chaleur. On dit que la température de jour à Danville allait dans les mi-80 jusqu'au 90 Fahrenheit pendant la semaine du 24 août. 90 degrés Fahrenheit en Celsius, ça fait quand même 32. Mm-hmm. Quand même. Dans un autre courriel, un représentant du Danville Police Department a confirmé cette circonstance-là et a donné plus d'explications. Vous pouvez aller voir ça sur assemblagerequis.com. C'est sûr que les officiers sur des forums en 2005 sur Internet décrivaient le fait de lever leur capot pour protéger leurs canins, leurs chiens, pendant de longs arrêts lorsqu'il faisait chaud. Une circonstance aussi mentionnée dans une entrevue télé au sujet de cette controverse-là sur les capots levés. Un article de suivi du Register NB note que le problème n'était pas vraiment une question de moteur qui aurait surchauffé. Donc, dans le fond, c'est qu'on levait le capot pour permettre au moteur de respirer en dessous du capot. Mais un problème de chaleur continue qui endommagerait les composantes électriques du véhicule. J'ai pas compté tes points aujourd'hui. Non, je sais. As-tu compté, toi? Non plus. Non plus. T'étais pas mal moitié-moitié, je pense. Ouais, je pense que ouais. Pas mal moitié-moitié. Voilà, le vrai le faux, on va s'arranger pour les mieux les compter les points la prochaine fois. Il fallait que je me rappelle de le faire. Les liens sont sur assemblagerequis.com, encore une fois. Et ça va être tout pour cette édition d'Assemblage Requis. Juste à temps pour l'émission d'aujourd'hui. On est mardi, donc on n'a pas l'émission après nous. Fait qu'on peut se le permettre un petit peu quand même. Merci à David Ferron pour sa participation à la chronique Zone Campus. Merci à toi, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Sur nos ondes plus tard, à 10h, le Mathieu Plante Show en rappel. Ensuite, à midi, toujours en rappel, c'est Rock de Neurones. Tania et moi, nous serons de retour à 14h, oui, pour les Palmarès C'est Fou, l'émission du décompte francophone et anglophone. Et à 19h, c'est Réanimation, l'émission de métal et d'horreur. Cif.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusion. Sinon, ben, Colin, passez un bon début de semaine. On va se remettre dedans. On va se prendre beaucoup de café comme un lundi. Oui, c'est vrai. Tout à fait. En c'est plus, là qu'on s'en va. Une belle semaine, je pense, qui s'en vient pour nous aujourd'hui. On va avoir la chronique de Sébastien F. Gartin demain, mercredi matin. On va voir aussi qu'est-ce qu'on a mercredi. Gabriel Béhout de La Luître, mm-hmm. qui va être là pour nous donner un petit avant-goût du match de jeudi soir qui aura lieu à 20h30 à la Chasse-Galerie. Et puis jeudi, on aura la chronique de l'âge de l'écouteur et une grosse pointe adresse. J'ai trouvé des nouveaux bonbons. Ah ouais! Une grosse pointe adresse. J'en avais prévu pour le reste du mois, mais je pense que si y a de quoi, on va peut-être faire un doublé. Parce qu'il y a trop de bons bonbons en magasin. Oh. Voilà, à demain. On se quitte avec Jay Honor et Crystal Ball. Bonne journée. À demain. Bon café.